toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30 pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. L'actualité, c'est la première défaite pour la première journée de championnat. C'était hier à 17h face à Strasbourg. Les Girondins se sont imposés 2-0. On va évidemment y revenir dans cette émission. Dans la première partie de l'émission, on fera un débrief complet de ce match. Il s'est passé pas mal de choses entre... Oui. Elles sont en train de perdre mes oreilles là. Ah ouais, j'ai peut-être pas. Ah oui, effectivement. Ouais. Hop là, c'est mieux comme ça. Ouais, vachement mieux. Ça va le son dans les nickel bien, pas ouais. Trop fort. Impeccable. Oh, il y a que moi qui ai de venir sur, t'inquiète. Non, bah ouais, pauvre quand même, on va lui demander. Alors, on va donc évidemment revenir sur la défaite hier 2-0 face à Strasbourg. On parlera évidemment de ce qui nous attend jeudi. On enchaîne. C'est à quelle heure jeudi le match? Match aller. 20h45. À Bordeaux, le match retour face à Mariupol pour se qualifier pour les barrages de l'Europa League après la victoire 3-1 du match aller la semaine dernière. On fera une petite, on terminera avec une petite page transfert parce qu'il y a des petites voilà, des petites infos qui sont sorties dans la journée sur des prêts, sur des, surtout sur des prêts du côté de l'Espagne notamment. Je crois qu'il y a un Anglais qui traîne dans le coin. On fera un petit point rapidement et puis on essaiera de voir si c'est des profils qui peuvent correspondre. On va enchaîner directement avant de vous présenter mes collègues autour de la table. On va accueillir nos amis du chat. Bonsoir à vous. Ça commence à arriver. Voilà, il y a déjà un petit peu de monde, puis ça va arriver petit à petit. Un peu plus nombreux dans la soirée. Bonsoir à vous. Vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31 comme l'a fait Dexter qui est actuellement patient. T'inquiète Dexter, on va te prendre dans quelques instants. Voilà, avec moi autour de la table ce soir, Adrien. Salut Adrien. Ça va? Ça va mon grand? Ah bah vivement jeudi pour retrouver du foot. Et bah tiens, regarde, en parlant de jeudi, il y a ta place qui est là. Ah, merci. Que de bonnes nouvelles. Marco, ça va Marco? Oui, bien, et toi? Ma foi, bah écoute, on s'est quitté hier, t'étais tout énervé, j'espère que t'es un peu redescendu. C'est pas vraiment j'étais énervé, j'étais surtout dégoûté, mais... Oui. Mais voilà, bon, c'est... Oui, énervé dans un premier temps, dégoûté dans un autre, et puis je sais pas si comme moi, fataliste, à la fin. On en parlera, on a l'heure pour parler des matchs. Rémi! Comment ça va Rémi? Ça va, Rémi, ça va. Rémi, ton jingle. Monsieur Branchant. Monsieur Branchant, qui a mal au dos, est en préparation. Ah, ça va, ça va. Ça va je mieux. Trouve le temps de le faire. Mais ça va aller. Et ce soir, on a un petit jeune. Salut Thomas. Bonjour, ah, ça va. Ça va Thomas? Ça va très bien. Ouais. Alors Thomas, on va te présenter rapidement pour. Puisque c'est ta première émission en direct avec nous. T'as 16 ans. Et oui, tu ça. Veux, t'as comme, alors c'est, attends, je vais me décaler un peu parce que je te vois pas. Ah voilà, c'est mieux. T'as 16 ans et tu veux faire des études de journaliste sportif, c'est ça. Sportif, voilà. C'est ça. Et donc tu t'es dit, je vise le top niveau d'entrée. Boum, je viens de rejoindre en analyse, voir ce que c'est un peu des pros. Non, je rigole. Mais mais voilà. Donc tu vas. Si t'as fait ça, tu t'es planté de A à Z. Ouais, faut non, mais c'est bien. C'est bien. T'as raison. Ça va. Tu vas voir ce que c'est des. Tu vas voir ce que c'est le top. Non, mais en tout cas, voilà. Tu vas faire l'émission avec nous. T'inquiète pas. Alors tu vas voir. Il y en a qui parlent beaucoup. Il y en a qui parlent peu. Il y en a qui font des blagues. N'est-ce pas Adrien? Moi. Il y en a qui parlent beaucoup et qui font des blagues. Voilà. T'hésites pas. Tu. Alors surtout. T'inquiète, je te donnerai la parole, mais si t'as des trucs à dire, t'hésites pas à prendre la parole. Voilà, t'as vu le match, t'as un avis un petit peu sur ce qui se passe, donc y a pas de souci. Comme à l'école, tu lèves la main. Voilà, et puis t'inquiète pas, si t'as des questions, tu demandes à Marc qui est juste à côté de toi, il pourra te renseigner. Je crois pas avoir oublié quelque chose, il me semble pas, donc on va pouvoir enchaîner. Alors avant, Dexter, sache que, on sait que t'es là, ne t'inquiète pas. Avant ça, Marc, tu voulais commencer par un petit coup de gueule. Je sais pas si j'ai un jingle qui traîne. Je crois pas. T'en as plein des jingles coup de gueule. Mais non, on avait supprimé les jingles nominatifs. Ouais, t'as le coup de boule. Il y a le coup de boule. Ouais, le coup de boule. Ah, ouais. Le coup de boule, il passe aussi, hein. Ouais, j'ai jingle coup de boule. Alors attends, faut que je retrouve parce que j'ai tous les numéros qui ont sauté. Qui sont décalés. Oui. Donc je vais le retrouver, voilà, le temps de... Si tu veux, on fait le jingle après le coup de... C'est totalement... Tu vois, ça, c'est typiquement de la radio amateur. Là, on est dans Là, on est dans l'amateurisme totalement grand. Là, on est... Tu vois, il nous manque... En même temps, faut dire qu'on n'a pas les moyens pour je avoir... Pas, donc, ouais, je ouais, pas. On s'en fout. Hein, le jingle, coup de boule, c'est comme ça, pignon, là, bam, coup de boule. C'est l'art de l'improvisation. Ouais, ici, l'art de l'improvisation. Apprendre. Alors... Qu'on soit bien clair, vous et moi, chers auditeurs, chers animateurs qui m'accompagnaient ce soir, chers tweetos qui ne m'écoutent pas, ou qui écouteront le podcast, si vous voulez qu'on puisse débattre, va falloir arrêter les analyses à la con. Tout simplement, je suis sorti du match. Bon, après, comme tout le monde, hein, de la déception, de l'agacement. Et comme tout le monde, je cherchais à expliquer les mots de la défaite. Mais je cherchais à expliquer les mots de la défaite dans un match, en fait. Parce que si c'est pour, après un match, avoir les mots d'une saison qui n'est pas finie, j'en vois strictement aucun intérêt. Et qui a à peine commencé. Si c'est aussi pour faire les mots des saisons dernières, je vois pas l'intérêt non plus. Donc on va se mettre d'accord d'entrée de suite. Oui, le mercato des Girondins est complet à la bourre. Oui, il nous manque un œuf. Oui, il nous manque des arrières latéraux. Oui, M6 a pas géré depuis 2006. Ça, on va être honnête, personne ne peut dire l'inverse. Oui, Bordeaux régresse d'année en année. Là, y a pas de souci. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois qu'on a dit ça, on va essayer d'analyser le match. Donc le premier qui vient, qui commence à m'expliquer que le mercato est pas fini, pour m'expliquer la défaite contre Strasbourg, on va pas pouvoir débattre. Donc je vais même pas débattre avec ces personnes-là parce que ça va me gaver en 5 minutes. Oui, le mercato, il est à la bourre. Si c'est pour nous ressortir cette excuse, oui, on sait, il est à la bourre complet. Bordeaux a pas géré complet. Maintenant, le premier qui me dit que le mercato et la Coupe du Monde, c'est l'arbre qui cache la forêt, vous allez être complet de mauvaise foi. Personne n'a fini son mercato. Il y a même des clubs anglais qui ont rien fait du mercato, alors qu'ils ont un pognon fabuleux. On sait que la vente de Malcolm a attendu tout le mercato, puisqu'il fallait la vente de Malcolm pour vendre le club, même si Nicolas Tarano dit l'inverse. Et enfin, on peut pas se cacher sur le fait que maintenant, pour qu'un joueur soit acheté, il faut l'accord du coach, l'accord des Américains et l'accord d'M6, qui fait beaucoup et ralentit encore plus notre mercato. Donc oui, il est pas fini, il y a pas de souci là-dessus. J'espère qu'il sera fini le 31 août, mais en attendant, l'intersaison, elle est juste pas finie. Donc peut-être, en fin de saison, on dira qu'on fera le bilan, que ça nous a fait perdre tant de points, etc. Et que à cause de ça et du match de ce match-là, on a perdu des points et qu'on est en retard. Ok, certes. Enfin, je rappelle juste que l'objectif primordial, c'est de se qualifié pour la Coupe d'Europe sur le mois d'août, voilà, en perdant pas trop de points à domicile, et qu'il y a vachement beaucoup, mais énormément de choses à dire et d'analyses à avoir sur ce match, que si les seuls arguments que vous avez pour parler du fait que Bordeaux a été mauvais, c'est ça, je suis triste pour vous, parce que des arguments, vous allez voir, il y en a plein, et qui expliquent plus que Bordeaux était nul que Bordeaux était bon. Alors, j'ai fini mon coup de gueule. Merci Marc, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la soirée. Si tu veux, ça m'a fait gaver de mettre gueule. Oui, je sais, moi et aussi. Et d'entendre des gens qui te parlaient du mercato. Je sais, j'ai écouté et aussi. Tu fais comme si ça n'a rien fait depuis 7 ans. Mais tiens, il y a après, chose c'est à dire une partie sur ce du truc aussi, mais bon. Il y a autre chose à dire sur alors, ce match-là, il y a plein de choses à mais dire. Mais peut-être que Dexter, que l'on va accueillir tout de suite au téléphone. Salut Dexter. Salut. Comment ça va? Bonsoir, ça fait longtemps. Ça va bien et vous? Bah écoute, ma foi, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, effectivement, c'est mon retour. Bah le Dexter is back. Il vient après une défaite. Saison 12. Il vient quand le terrain est bon. Bon alors Dexter, qu'est-ce que on va allez, attaquons directement sur Strasbourg, on va pas tergiverser dans 7 ans. Ce match, il a commencé bon 11 contre 11 hein, comme tout match de football, c'était déjà pas trop mal. Et puis, on s'est retrouvé très très très rapidement. Alors on va y revenir aussi hein, sur l'expulsion de Pablo. Pour toi, c'est quoi? C'est un voilà, c'est pas grave. C'est un premier match. Il y en a 37 derrière. On va se refaire. Et puis c'est pas une catastrophe ou faut voir autre chose d'un peu de plus dans le contenu, de plus inquiétant. Ouais, dans le contenu, si, c'est très très très inquiétant. Après, mais justement, je suis en total désaccord avec Marc là, avec son coup de gueule qui vient de. Oh, vient c'est de... bien la première fois. Ouais, non, mais c'est un coup de gueule hallucinant, quoi. Ah, bah, c'est son coup de gueule. Pas qu'on parle du mercato, mais je suis désolé, le mercato, ça fait partie d'un club, et justement, oui. Il doit être fait en conséquence, quoi. On peut pas aborder un championnat avec, on est 109. T'as vécu pas un peu en mois de juillet, tu sais ce qui s'est passé à Bordeaux? Ouais, bien sûr. On est d'accord pour dire que le mercato il est pourri, mais il y a des raisons à ce qu'il soit pourri. Il faut le dire, mais il y a des raisons. Mais Dexter, c'est quand même pas juste ça qui résume le fait qu'on ait perdu contre Strasbourg. Il n'y a pas que ça, mais c'est une conséquence. En fait, chaque année, la saison, elle est mal préparée. L'an dernier, c'était quoi pour vider autant? Non, mais on le sait. Ce que je comprends pas, en fait, ce que je comprends pas dans cet argument, c'est qu'on le sait que ça fait un moment qu'on le sait que le mercato il sera pourri. On le sait depuis avril. Mais on le sait chaque saison. Mais non, mais on le sait depuis. Nous, supporters basiques, on en a marre. Mais Dexter, depuis chaque saison, mais oui, il fallait que M6 se barre, on attendait que ça. C'est bon, c'est en phase d'être fait. Je prie pour que la métropole de Bordeaux ne trouve pas un truc pour l'annuler. Mais normalement, ça devrait se faire. Méfie-toi. Okay. Donc, je veux bien qu'on parle des 6 dernières années, mais c'est un truc qui est qui va disparaître. J'espère, parce qu'on n'est pas à l'avance. Ça se trouve, ils vont faire pire qu'M6. Ils vont devoir se lever tôt, mais ils vont peut-être pas réussir à faire pire. Ça va être dur, quand même. Voilà, mais bon, c'est pire qu'M6, les enfants, c'est si c'est je ressors le palmarès d'M6 à la tête des Girondins, non, excusez-moi, deux titres, trois coupes. Sur les six dernières années, on ne tombe pas gagné loin. Juste sur les six dernières années. Juste sur les six dernières années. Mais il y a toujours moyen de faire pire. Il y a toujours moyen de faire pire. Des clubs qui se sont écroulés, qui sont partis en Ligue 2, il y a pire. Donc jusqu'à présent, on n'était pas en Ligue 2, ils peuvent le faire. Bon. Oui, mais nous, on a un standard à te dire, quand même. On est Bordeaux, quoi. Oui, on est d'accord. Ok. Une fois qu'on a parlé des six dernières saisons qui, dans tous les cas, ce que je veux dire en fait, c'est que on aurait toujours bien fonctionné, ce qui n'est pas le cas, je sais, mais on aurait toujours bien fonctionné. Dans le cas de la vente, on aurait eu le même mercato, même si Bordeaux avait l'habitude de bien travailler, ce qui n'est pas le cas, mais si en imaginant qu'on travaillait bien d'habitude, on n'aurait pas eu le mercato comme on l'aurait voulu. Déjà, parce qu'il a commencé très tard pour un bon paquet de clubs. Et ouais, ensuite, pour nous, il a commencé très tard. Nous, il a commencé très tard, mais il a commencé bizarrement quand le club a été vendu. Donc moi je veux bien qu'on m'explique que c'est l'incompétence, mais oui, mais c'est l'incompétence depuis 6 ans. Donc on n'inventera rien. Mais dans tous les cas, même si on avait été compétent, le mercato il n'aurait pas démarré plus tôt. Même si on avait été compétent. Donc je vois pas. Oui, ok, c'est vrai que le mercato, le fait qu'on épanne tous nos joueurs, que les trois quarts soient pas valides pour ce match, a une influence sur ce match-là. Je suis d'accord. Et encore heureux, bien sûr. Mais il y a autre chose. Alors voilà. Une fois qu'on a évacué le truc, il manquait effectivement les recrues étaient pas prêtes. Messi Basic a joué après, un petit peu. Après, il y avait d'autres choix. Okay. On parle du fait que Bordeaux a joué plusieurs matchs de Coupe d'Europe, a eu une préparation physique différente pour justement pas galvauder cette Coupe d'Europe qu'on avait pu le faire l'année dernière en étant cramé contre Vidéoton. Ce que je comprends pas, c'est jouer ce match-là avec cette préparation et ces matchs dans la jambe, en laissant et Plasil et le Rager qui a pas joué depuis 2 semaines, qui manque peut-être un peu de risque pour faire 90 minutes, et un Plasil surtout de football. Et un Plasil, oui, mais ok, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, c'est pareil, on l'a dit depuis toute l'année dernière. Donc, non, je suis pas sûr que beaucoup de gens le disent. Alors, ok, mais ok, Rager, ok. Non, mais quand après, il y a Plasil, le Rager, c'est quand même. Plasil qui était aussi très fatigué. Donc, dans la mesure où on avait cela, peut-être qu'on aurait pu mettre un joueur plus physique comme Sankaré à la place au moins d'un des deux. Peut-être mieux ça, gérer la répartition des forces. Mais oui, ça, mais voilà, mais ça n'est une autre erreur qui existe. Il n'y a pas que le mercato qui explique qu'on a pas bien joué. J'ai jamais dit qu'il y avait que le mercato. Le mercato, ça fait partie des erreurs du club. Donc maintenant, on va parler de la composition. Ouais, voilà. Revenons sur le match. Une fois qu'on a évacué les transferts, c'est quand même très très limité. Enfin, j'ai pas compris justement. Je suis pas du tout contre le coach, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait faire en fait. Mettre le Rager titulaire. Ah, c'est indécent. Enfin, je sais pas. Vous lui trouvez des qualités à vous? Enfin, je sais pas. Non, je pose la question en fait. C'est la même chose. À part d'être catcheur comme Poco, c'est la même chose que Sankaré titulaire au premier match de Coupe d'Europe pour sanctionner les attaquants qui se bougeaient pas. Peut-être que dans la tête de Poyet, peut-être, j'en sais rien, je suppose entraînement, il y a une volonté de sanctionner peut-être Sankaré qui n'aurait pas fait les efforts qu'il fallait cette semaine à l'entraînement. On parle toujours. Ah, donc c'est pour ça alors, d'accord. Mais non, c'est une hypothèse. Ah d'accord, c'est une hypothèse. Non mais ok, Dexter, ok. Bon, ok, admettons, tu t'as le droit de pas aimer le Rager. Moi, je suis pas plus fan que ça, mais je trouve pas non plus qu'il soit. Non, mais toi, voilà. Personnellement, oui, non mais d'accord, ok. Mais le simple fait que le Rager soit titulaire, ça n'explique pas. Je suis désolé, ce qu'on a vu sur le terrain, même à 10 contre 11, c'était quand même. 10 contre 11. Le problème, c'est vous voulez revoir le match des Nîmois à Angers à 10 contre 11 à 3-1? Il n'y a aucune justification en fait, ouais. qu'on soit à 10 contre 11, bien sûr. C'est que déjà, tu joues un tout petit peu avant qu'il sorte. Tu joues avec Youssouf, il est droit. On sait très bien qu'il n'est pas ailier droit déjà. Rien que ça, c'est pas bon. Tu joues avec Laborde, bah je sais que Laborde il est bon, mais contre Ventspils ou tu sais les clubs comme ça quoi, Mariupol. Malheureusement il a après c'était un peu compliqué c'est pour lui, on va pas niveau. Refaire non, pas tout de suite du cas par cas, mais. Ah mais oui, mais si, mais c'est trop haut pour lui Strasbourg. De toute façon t'as rien d'autre. T'as ça ou de Préville, hein. Oui, t'as deux Chevrilles, ouais, non mais deux Chevrilles il peut pas jouer, non, effectivement c'est encore pire que Laborde. Adrien. Non, c'était un match compliqué. De toute façon, c'est un match, même dans l'esprit des supporters, c'est pas le match le plus important du mois. On le sait. Et quand j'entends beaucoup, vu qu'il y a été la notion de fatigue, je pense pas que ce soit de la fatigue physique d'ailleurs. parce que dans toutes les équipes, c'est pas une fatigue physique forcément, c'est une fatigue psychologique. C'est un match, ton premier match de championnat, pour par exemple pour Strasbourg, tu l'abordes parce qu'il faut bien entamer la saison, etc. À Bordeaux, l'état d'esprit était sûrement différent, où c'est un match au milieu d'une qualification, où en plus ton équipe qui est sur place n'est pas l'équipe titulaire. Mais ça, du ça, tout. Adrien, ça j'ai du mal à l'entendre. On va s'apprête à vouloir se qualifier pour la Coupe d'Europe et à jouer t'as 38 les... matchs. Non, mais... Oui, non, oui, mais le problème, c'est que ça a déjà en fait un de moins. Et si à chaque fois que t'as un match de Coupe d'Europe, le dimanche qui suit, tu peux tenir cette analyse, ça va pas te faire. Non. Que, moi, je trouve que plutôt. Alors, il faut arrêter les excuses, ouais, c'est clair. Il y a un déficit d'expérience. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai pas trop compris. Dans la mesure où tu te retrouves à 10 contre 11, c'est de laisser Tchouaméni et Youssouf sur le terrain, dans la mesure où ces joueurs manquent d'expérience dans la gestion. Youssouf, il est sorti. Oui, Youssouf sort, mais Tchouaméni reste. Pour moi, très rapidement, à la mi-temps, c'est pas sanctionner ces deux joueurs, mais tu as besoin à 10 contre 11 de retrouver de l'expérience, enfin, savoir gérer ces situations. Je regarde, je vois le deuxième but, je suis désolé, le seul qui court sur 11 joueurs, sur 10 joueurs, le seul qui court, c'est le Rager. Tous les autres, sans exception, enfin, l'intégralité but, de l'équipe marche. Le premier but qu'on prend, c'est le Rager qui finit. Donc, premier but, c'est de la faute de le Rager. Non, mais là, il s'avère que c'est lui. Moi, sur ce match-là, c'est ça qui m'a marqué, c'est-à-dire que. Les mecs, attends Marc, on va faire tourner un petit peu aussi parce que regarde à quel moment arrive ce but. Regarde, juste on en a parlé pendant le match. Oui, reste 10 minutes, c'est la fin. Non, okay. Mais c'est même pas ça. C'est regarde à quel moment on en parlait avant le 1-0. J'ai dit, enfin c'est ce que je disais autour de moi. Il faut absolument qu'on renforce le milieu parce qu'on est en train de prendre l'eau, mais plus le pied sur le ballon. On le fait trop tard, mais en fait c'est déjà trop tard. L'équipe, pour moi, a pas su. On aurait dû laisser tomber les ailiers, jouer avec deux pointes. Et fermé au milieu à 3. On a joué à 2 au milieu avec 2 joueurs sur les côtés. On a demandé à Plasie le Rager d'abattre un travail physique important à un moment de la saison où ils ne sont pas capables de le faire. Même si ce sont 2 joueurs qui ont quand même un coffre important. C'était pas le moment de la saison où tu pouvais te permettre ça. Quand tu as un jeune, même s'il a fait le voyage ou que tu as Sankaré sur le banc, pour moi, tu dois les faire rentrer beaucoup plus tôt. Ils doivent t'amener une sérénité et un coffre physique que les autres n'ont pas. Mais le primordial. De toute façon, le milieu est un problème. C'est difficile de produire du jeu avec un milieu pareil. Avec, Plasie et le Rager. C'est pas possible quoi. Il y en a un qui est cramé, il y en a un qui est catcheur, donc c'est difficile de. Plasie est pas cramé. Hein. Non mais si, Plasie, il est cramé. J'aime beaucoup Plasie, c'est un mec gentil. Non mais Dexter, ce qui me contrarie quand même un petit peu, et après on donnera la parole à Thomas et Rémi parce qu'on les a pas encore entendus. Ah, t'avais pas fini toi? Mais non, je vais même pas terminer. Alors termine. Allez. C'est pas fatigué. Non mais sur le match, pour l'analyser, on fait pas une bonne entame. On fait pas une entame conquérante, mais on n'a pas fait une bonne entame contre Mariupol et derrière le match on a réussi à revenir, etc. Là le problème c'est que tu prends un rouge au bout de 15 minutes. Quand on me parle de Nîmes, c'est à 60e. Mais Mariupol c'est un niveau national, donc c'est pour c'est toujours les excuses. Hein, non, Adrien, le Zénith prend 4-0 en Coupe d'Europe. Adrien, Mariupol c'est au mais deux crans en dessous de Strasbourg. Il faut les jouer ces matchs. Il faut oui, je suis d'accord, mais je veux dire, on dit que c'est une excuse, non, c'est la vérité, c'est pas une excuse. Mais ce que je dis, c'est que sur ce match-là, c'est pas Strasbourg n'a pas été extraordinaire. Ils marquent au bon moment sur coup de pied arrêté, mais sinon ils ont pas 10 000 occasions quand nous on a 10. Enfin, Costil, ils sortent 2-3 parades quand même. Ils ont pas 10 000. Non, je te promets, ils ont. Tu te rends compte du nombre de situations franches qu'ils ont reçues en première mi-temps? En première mi-temps, Costil, il sort une frappe en lunettes. Il y en a un, il envoie le ballon à 6 mètres au-dessus du but, alors qu'il est tout seul. Et deux frappes croisées, une croisée au poteau et une qui part en corner. S'il y a 2-0, il n'y a rien à dire. Adrien. Non, Adrien, justement, regarde pas le résumé parce que. Alors, je comprends pas les résumés de la Ligue. Les 3 actions, 4 actions que je viens de te dire. Elles y sont pas dans le résumé. Et pourtant, les gens sont tout seuls à se dire. On met la vieille tête qui passe 3 mètres au-dessus. Il y a eu des occasions plus dangereuses que ça. Mais après, sur ce match. Il n'y a pas le péno. Clairement. Quand la tête de la Borde, elle y est pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut voir la composition. Une fois qu'on est à 10, la composition est complètement déséquilibrée. Parce que on a un groupe qui sur attends marche sur Agira. Et là le problème, c'est le fait qu'elle soit déséquilibrée au moment où tu te retrouves à 10. Pour moi, c'est Poyet flingue son équipe qui sait pas tenir, qui elle va pas tenir physiquement. Alors je sais pas, est-ce que c'est un message envoyé à la direction, je sais pas, mais c'est quand même dommage. Il sait que son équipe va pas tenir physiquement et il la flingue en passant un milieu à deux avec un latéral, avec deux ailiers Camano et Tchouaméni. Tchouaméni, c'est encore moins son poste et n'a pas l'habitude de gérer ces situations. Pour moi, le pourquoi Bordeaux sombre physiquement en fin de match, elle est avant Adrien. Tout là, parce que les choix faits à la 15e minute ne sont pas les bons. J'ai oublié de vous donner les stats du match. Alors, si les stats de la Ligue sont aussi fiables que le résumé, comme FIFA, mais on va essayer d'y croire quand même un petit peu. Je suis désolé, t'es Bordeaux. Alors, certes, tu joues à 10, tu tires 5 fois, tu cadres 2 fois. Mais oui, Strasbourg mais tu... tire 17 fois. Cadre 6 fois, marque 2 buts. Tu me le sors comme tu veux, Costil il sort 4 parades. Enfin, il y a des frappes à de terre, pas ah du tout dangereuses. Oui. Mais après, sur ce match, c'est déséquilibré, oui, mais t'as déjà fait un changement. Tu vas en faire un deuxième. Il faut pas que forcément que t'en fasses un deuxième directement en flinguant Chouami. Enfin, c'est un match, c'est le match pourri par excellence. À 10, t'es pas bon parce que déjà tes latéraux, c'est pas tes latéraux titulaires. Alors Gaïc, il est à gauche, c'est pas son poste et en plus à la base c'est pas un latéral titulaire. À droite, t'as Letchouk et c'est Gaïc, même pas ça. Gaïc n'avait pas joué depuis le mois de janvier. C'est même pas ça qui explique. Camano est milieu gauche alors que au niveau défensif avec un Lala qui était de l'autre côté. C'était pas forcément lui faire un cadeau de le mettre, de le laisser là. C'était un match compliqué et quand Poyet dit à 10, on a rarement été à 10 et on n'a pas l'expérience de jouer comme ça à 10, à être regroupé et savoir être bien organisé. Et on sait qu'à Bordeaux, ce 4-3-3, c'est un équilibre assez particulier, mais qui te permet de faire gagner des matchs. Alors j'ai eu partout que le 4-3-3, il était. Alors il y en avait marre de ce schéma de jeu. Ouais, alors le schéma de jeu qui te fait gagner des matchs sur la fin de saison, qui te permet d'être au moins sur les barrages de Coupe d'Europe, etc. Alors c'est vrai que c'est un schéma de jeu tellement nul que sur un match où t'es réduit à 10, mais tu vas en tirer des conclusions en disant que le milieu tient pas la route. Thomas, on t'a pas entendu encore. Thomas, t'étais au stade, au stade, à côté du virage sud, donc. Parfait. Désolé, pas venir. Bon alors. Pour moi, le match, ben. Oui, on va monter un peu ton micro. C'est lequel? C'est le bleu. Hop là, vas-y. Quand Gustavo Poyet fait les changements, déjà, c'est. Déjà, on tient le 0-0 à la mi-temps, miraculeusement. Je sais pas comment on fait. C'est à la mi-temps où il doit mettre. Il doit enlever, par exemple, Tchouaméni, comme l'a dit. Marco. Comme l'a dit Marco, voilà. Car parce qu'en fait, on joue tout le match sur numéro 10. On n'a aucun relais entre le milieu et l'attaquant. Et ben, sans relais, ben, on ne peut pas marquer de but. Est-ce que t'as. Alors, moi, perso, enfin, avec Marc, on était à côté, on rendrait le match ensemble. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est. Il y a 1-0 pour Strasbourg. Il fait rentrer Bazic et Sankaré qui ont fait certes une entrée ce qu'il fallait faire, mais je comprends pas. T'as deux Préville, t'as Briand sur le banc, t'es mené 1-0 à 10 contre 11, t'espères quoi en faisant rentrer oui Marc, je t'ai vu, mais après hein, Rémi il a pas parlé encore, en fait il est 20h25. Rémi t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, ça m'a. C'est ça, on avait l'impression qu'il voulait garder le 1-0 et non. Autant faire 2-3-0 et en essayant avec les attaquants. Et... T'as un truc, j'aurais préféré. Mais t'en sais rien. Mais au moins t'aurais essayé de dire putain on a tenté. T'en sais rien Marc. Non, c'est là où justement arrive un moment, un coach doit avoir une analyse. Quand je te dis qu'à la mi-temps il doit déjà faire des remplacements au milieu, c'est parce qu'il doit anticiper que son milieu ne va plus mettre le pied sur le ballon par fatigue. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il aurait fallu faire un remplacement, donc je sais pas, sortir un défenseur pour mettre un attaquant. Non, je te dis que j'aurais pas fait ce qu'il a fait. Finir. Je te dis pas qu'il aurait fallu faire un remplacement. Tu dis, t'as dit qu'il aurait fallu faire rentrer Briand ou de Préville. À la place de j'aurais pas mis ce Sankaré. Donc, si jamais tu fais ce changement-là, ça veut dire que tu enlèves un milieu ou un défenseur pour mettre un attaquant. Non, Laborde, il était cramé. Le pauvre Laborde, il s'est battu pendant une heure et demie contre Beaucoup, etc. Le problème de Laborde, c'est qu'il a eu zéro ballon. Vous allez m'expliquer que vous avez sorti Laborde qui a zéro ballon pour mettre Briand à la place, mais il aurait eu zéro ballon aussi. Le problème, c'est que c'est pas la qualité du joueur qui fait qu'il attire le ballon quand même. Arrive un moment, non. À moins que t'es Messi, tu me dis je suis rentré Messi qui vient de dribbler 10 joueurs et mettre un but. Ok, peut-être que là je comprends ce remplacement, mais Briand ou Depréville sont pas des joueurs capables de faire tout seul la différence. Donc quand tu as sur ton banc aucun joueur de ce calibre-là, t'as pas Malcolm sur le banc qui te reste, tu es obligé de vouloir compenser par le collectif. Le remplacement qu'il fait, et je trouve quand même que c'est dur de venir dire qu'il fait un remplacement à 1-0, le remplacement qu'il fait, il veut le faire à 0-0. À 0-0, il veut remettre de l'intensité dans son milieu pour récupérer le ballon, pour faire remonter son bloc et donner des situations à son bloc d'équipe devant le but. Le problème, c'est que la deuxième mi-temps, tu dois passer ta ligne de récupération à 10 mètres de ton but. C'est plus souvent base, le gardien, 6 mètres qui récupère le ballon, ou j'ai oublié son nom, à Koundé, que un de tes milieux. Le problème, c'est quand tu récupères ton ballon bas, la distance à parcourir pour atteindre le but adverse, elle est encore plus longue, et que tu mets même pas le pied sur le ballon. Quand tu l'as, en plus, tu le perds aussitôt, parce que tu n'as aucune solution à proposer à tes attaquants. Quand c'est Camano, regardez ce qui s'est passé quand Camano avait le ballon. Camano, contrairement à Laborde sur ce match-là, arrivait à tenir mieux le ballon dos au but. Mais Camano était obligé de faire une passe à base, attendre que tout le bloc d'équipe remonte. Dès que tu avais une occasion à 10 contre 11, en plus, il faut que tu crées des espaces, donc il faut que tu ailles très vite. À chaque fois qu'on devait justement mettre une contre-attaque, on se retrouvait avec un bloc qui était hyper bas et avec l'incapacité d'accompagner nos attaquants parce qu'ils étaient en sous-effectif. Parce qu'en passe, en plus, manque de peau pour nous. Strasbourg a même pas joué sa chance vainement. Ils attaquaient à 4, ils défendaient à 6 en permanence. Oui, ils ont fait le match qu'ils devaient faire à l'extérieur. C'est-à-dire que ils comptaient sur la baisse physique et ça s'est vu tout au long du match et dans tous les remplacements qu'a fait le coach strasbourgeois. Ils attendaient que Bordeaux baisse le pied physiquement, et c'était prévisible à cause de la Coupe d'Europe et de la préparation qui a été différente. Ils attendaient que ça, ils ont joué finaux et ils ont fait bouger le bloc et ils ont pas attaqué à beaucoup. Ce qui fait qu'ils étaient souvent en surnombre face à nos contre-attaques. Comment tu veux faire une contre-attaque quand tu es déjà en sous-nombre? Le problème, il est là. Il fallait voir les choses différemment, il fallait abandonner tes ailes, il fallait jouer des contre-attaques, ton bloc bas, jouer sur la vitesse. Peut-être que c'était de sortir Laborde qui est pas assez rapide pour peut-être garder Youssouf qui était plus rapide et qui pouvait peut-être composer à Camano en contre-attaque. Ça, ça aurait été d'autres choix qui, je pense, auraient été plus judicieux. Thomas, pour continuer, t'inquiète, hein, il est pas méchant. Il est gentil. Il mord juste pas. Radio. Il y a juste Dexter qui mord. Oui, Thomas, je sais même plus ce qu'on disait. Oui, les changements. Tu disais que t'avais pas compris les changements de Poyet. C'est ça. Moi, j'aurais déjà fait rentrer déjà peut-être Depréville, même s'il marque pas beaucoup de buts à la place de Laborde, parce que Depréville est déjà beaucoup plus rapide. Ouais. Juste parce qu'il a fait des bruits, en fait. Et beaucoup plus rapide, donc, que Laborde au niveau vitesse. Pourquoi quand... faire rentrer Depréville? Mais quand on joue à 10, on a besoin de vitesse. Ça sert à rien. Ah oui, juste des mecs. Ou Briand. Non, mais ouais. Je veux dire. Non, mais si, l'athlétisme, c'est important aussi. Oui, non, mais Dexter, à un moment donné, il faut essayer aussi de trouver des solutions. Si à chaque fois qu'on... Ouais, mais là, tu vois ce que je veux dire, en fait, je vous écoute depuis tout à l'heure, en fait, je comprends pas du tout. Alors concrètement... La défaite, elle incombe à qui, en fait? Pour moi, la défaite, elle incombe à Pablo en numéro 1. Ah, déjà. À Costil aussi. Costillo. Alors oui, enfin je suis désolé. Il se rate son dégagement. OK. Maintenant, je suis désolé, c'est pas parce que Costillo rate son dégagement que Pablo il est obligé d'avoir le cul d'un poulpe mort dans la tête au moment de faire ça. Voilà. OK, il se rate, il a le droit de se rater, mais Pablo il a le droit de pas faire faute. Et on prend un but, il a le droit de se rater. Autant Costil. Non, mais là, il se rate pas. Non, tu peux pas excuser en dire si. Que Costil a le droit de se rater et que Pablo a pas le droit de se rater. Mais parce que là, il se rate pas. Là, il fait exprès. Je suis désolé. Mais le problème, c'est que tu dois prendre une décision en même pas un dixième de seconde. Mais bien sûr que la décision, c'est laisse le filer. C'est tout. C'est un mauvais réflexe. C'est une erreur de. C'est une plus grosse erreur que Costil. Costil, ça coûte un peu. Et au pire, il marque le Strasbourgeois. Il te reste 1h15, t'es à 11 contre 11. Il n'y a pas le feu. Le pire, c'est qu'il va même pas dans l'axe des buts. Mais non, il est décalé à droite. C'est le seul endroit qui aurait pu permettre de jouer là. Bon, pas siffler rouge là-dessus, c'est dur, mais il aurait pu mettre que jeune juste en analysant cette course. Et il y a qui va derrière qui arrive. Il part, il se retrouve au but, même s'il est pas dans l'axe, il est en position de frappe. Marc, mais on va dire quoi? Alors il faut que les mecs soient dans l'axe du but pour qu'il y ait carton rouge. C'est une annihilation d'une occasion de but. Le mec partait au but, c'est rouge, c'est tout. Donc Thomas, t'inquiète pas, ça va le faire. Ouais, on avait parlé de Costil, Pablo. Moi, je mettrais aussi Poyet parce que pour c'est chaud au début de match. Merci mon petit. Je suis complètement d'accord. Poyet, je le mets en 3. Parce que Sankaré, vu le match qu'il fait à Mariupol, il est énorme. On on a vu comment il était physiquement et tout, on pourrait le remettre à la place par exemple d'un Lauragueur déjà, qui n'était pas prêt physiquement. Et puis après les changements suite à l'explosion. Est-ce que moi alors j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Tiens Rémi. Ouais, vas-y. J'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Est-ce que bon, pour moi, je me suis dit peut-être bêtement, Poyet, il a dû se dire, ok, Mariupol, je fais tourner jeudi prochain là, dans 3 jours là. Ouais. Je fais tourner. Je laisse quasiment la même équipe face à Strasbourg pour faire le taf. Et parce que mine de rien, ça aurait fait 2 plus 3 plus 4, ça fait 4 matchs pour quasiment la même équipe à un ou deux près. Et je fais reposer face à Mariupol. Ouais, dans le schéma de départ. Sauf que manque de peau, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et du coup, tu vas, entre guillemets, si tu vas pouvoir faire tourner un petit peu face à Mariupol. Mais faudrait voir. On en parlera après dans l'avant-match de Mariupol. Sur ce match-là, toi, t'as, comment tu l'as. Non, en fait, moi, je pense de ce que t'en as vu. Moi, c'est le premier quart d'heure qui me déçoit, en fait. On est 11 contre 11, on fait rien. On attend pas, on a deux pseudo-situations. Mais sinon on fait rien. C'est ça. Oui, c'est mais après, pire, ça, si tu veux jouer contre Strasbourg, ça va pas, faut leur rentrer dans direct, quoi. Eux nous ont entendu au final. Ils attendent qu'on fasse une faute ou pour un rouge et après ils ont le ballon, quoi. Mais sinon ils ont pas montré du grand spectacle, Strasbourg, hormis le deuxième but, où ils mettent alors minable. Mais ils ont fait le match, voilà. Ils ont Malvois, c'est très très faible, de toute façon. C'est là où ça c'est peut. C'est l'une des pires équipes. Hein. Ah, franchement, c'était pas. Voilà, mais ils ont fait le match. Ils font leur boulot, quoi. Et c'est là où ça peut s'expliquer que eux, c'est leur premier match. Nous, pas notre premier match. Mais ça tente de rentrer dedans, je trouve. Une entame différente. Et oui, mais Rémi, il a raison. À 11 contre 11, tu dois au moins voir un premier quart d'heure. Allez, je dis pas que tu dois avoir 4 occasions en un quart d'heure, mais tu dois au moins, dans l'envie, dans l'impact, montrer que t'es chez toi, c'est le début de saison. Tu mets le pied sur le ballon. Il a raison, Rémi, en disant qu'on fait pas une entame de match conquérante. Mais après, c'est pas. Si on avait fait une entame comme ça et qu'on était resté à 11 contre 11, c'est pas dit qu'on perde. C'est une entame de match en gestion, et c'est peut-être là le souci, et là où Poyet va devoir appuyer, c'est qu'on ne peut pas gérer, on n'est pas mais encore gérer capable. Quoi de... Tu veux gérer quoi 0-0 au bout d'un quart d'heure? Mais non, mais t'es en gestion, tu veux dire, tu fais l'effort, tu rentres progressivement dans ton match. Il y a beaucoup d'équipes, là, sur cette première journée, qui sont pas rentrées dans un match en faisant un énorme match. Mais c'est une erreur, ça, c'est une grossière erreur d'appréciation. Quand tu joues des équipes comme Strasbourg, comme Toulouse, comme Angers, comme Amiens, comme Dijon, eux, ils sont pas dans la gestion, eux, ils doivent prendre des points de suite. Rappelez-moi, on est à quel moment de l'année là? Non, parce qu'à vous entendre en fait, mais ou à croire qu'on n'a jamais fait d'interview en fait j'ai oublié son nom. Le préparateur physique des Girondins, j'ai oublié son nom. Bédoué. Quand tu es Bordeaux, que tu es calibré pour faire une saison à 60 matchs, ta préparation n'est pas la même qu'une équipe qui est calibrée pour faire 40 matchs et qui va prendre des points dès maintenant parce qu'elle ne va pas prendre. Deuxième chose, tu sais très bien que quand il fait 37 degrés dehors, déjà rien que nous à faire l'interview d'Omergue, on pleurait quand on n'avait pas d'ombre en s'attendant. Conclusion, on pleure aussi parce qu'il y a eu du vent. Qu'on pourra pas rediffuser l'interview. Les choix de dire oui, on va rentrer dedans. Enfin, si c'était juste une question de volonté, les matchs seraient bien différents tout le temps. Il y a aussi la capacité. Je pense que Bordeaux n'était pas capable de rentrer dans le match tel que vous le décrivez. C'est une question de capacité. Alors, on n'est pas capable de tenir Strasbourg. Non, c'est pas. Ça a rien à voir. Dexter, malheureusement, c'est pas. Je ne dis pas ça. Non, déjà, je ne dis pas ça. Oui, on est peut-être pas capable sur ce match-là de tenir Strasbourg. Mais faut ça sur un quart d'heure. Mais c'est pour ça qu'on est dehors. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste que physiquement, tu n'es pas capable de rentrer dans le match en imposant un rythme très élevé. C'est tout, point barre. Voilà, comme les trois quarts des équipes. Mais non, mais c'est grave. On ne te dit pas que c'est pas grave. Mais ça n'a rien à voir avec grave ou pas. C'est juste si tu arrêtais de regarder que Bordeaux et que tu regardais les autres matchs, et même les matchs avec les grosses équipes, tu t'apercevrais que les premières 10 minutes pendant le mois d'août, il n'y en a aucune qui l'attaque pied au plancher. Parce qu'il n'y en a aucune des équipes qui est capable de le faire. Donc moi, maintenant, vous m'expliquez ce que vous voulez. J'ai vu Monaco amorphe complet devant Paris. Ils se sont fait démonter. Contre Nantes, ils ont commencé. C'est le match d'une difficulté extrême. Lyon a fait l'inverse. Ils ont fait une deuxième mi-temps, mais poussive à souhait. Marseille, ça n'a pas été mieux. La différence de ces équipes, c'est qu'elles ont gagné et nous, on n'a pas gagné. Mais je pense que si on a perdu, c'est pas parce qu'on n'a pas été capable de rentrer dans le match comme des bourrins dès la première minute de jeu, mais plutôt parce qu'on n'a pas géré tout un tas d'événements. Moi, il y a un autre point que j'aimerais souligner et que je trouve dommageable sur cette composition d'équipe. On partait avec une défense un petit peu new look, puisque Gagic c'est quoi, Gajetlechouk, Pablo et Koundé, ah, genre oui. bien la défense totalement expérimentale, et dans cette défense expérimentale, il y a deux joueurs qui jouent pas leur poste. Moi, l'analyse que j'ai envie de me faire, c'est quitte à me pourrir un côté avec Lechouk, puisque tu sais très bien que c'est pas un latéral capable de monter et d'apporter beaucoup. C'est pas une question de Mercato, ça, d'ailleurs. Je vais répondre ouais, derrière ta question. Blessure aussi, hein. Lechouk, je l'aurais mis à gauche. Quitte à dire à Kamano, eh ben, écoute, Kamano, il y a Lechouk, donc tu peux un peu moins défendre, mais tu seras tout seul à attaquer. Et Lechegagic à droite, puisque c'est son poste. Après, le problème de Mercato, on va encore en débattre, mais si à chaque fois qu'on parle d'un point, on nous parle de Mercato, aujourd'hui à Bordeaux, il y a 5 latérales. Latéraux, donc. Latéraux. Hein. 5 latéraux. On ouais, se retrouve avec Pellard, qui est blessé. Pellard, tu le comptes, il est fait partie de l'effectif. Il fait partie de l'intérieur. Oui, non, il est blessé, Pellenard. Que le niveau soit pas le bon, je suis d'accord. C'est mais il est latéral, point barre. C'est un faux pas. Jean-Jacques, je sais pas qui, oui, ça peut compter. Mais c'est pour ça que dans les 5, je t'ai compté Dexter. À un moment donné, est-ce que t'es au Pellenard et latéral gauche, oui ou non? En termes de poste, oui, mais en termes de poste, c'est tout. En termes de poste, c'est latéral gauche. C'est qu'aujourd'hui, on a 30 joueurs et qu'avant de penser à recruter un mec, M6 va vouloir s'en débarrasser d'autres. On n'a pas beaucoup dégraissé les joueurs mais justement M6... qui n'avaient pas le niveau. Donc, ah, ça, le problème, c'est qu'on n'a pas dégraissé. Mais on n'est pas. Non, mais on n'est pas un football manager. C'est pas ah j'ai envie de mettre un joueur à vendre et il va être parti parce que tous les joueurs que nous on veut pas, je vois pas pourquoi les autres clubs en voudraient plus. Non mais ça c'est un problème en amont, il fallait pas les prolonger. Mais on a prolongé Koundé par en fait. Exemple. Non mais on est d'accord, mais ça c'est un problème en amont. Non mais Marc, après on va passer comme tu le dis, c'est un problème en amont, c'est pas un problème qui date de maintenant, c'est un problème qui fait qu'on a depuis longtemps on veut qu'M6 dégage. OK, M6 dégage. Donc cette saison vous savez très bien qu'elle est transition. Donc si pendant toute cette saison vous allez en 38 journées, dire qu'un tel il est pourri, que celui-là on n'aurait pas dû le prolonger, etc. Je veux bien, mais ça fera rien avancer. Et on fera aucun analyse. C'est forcément ça, c'est que forcément, si. c'est que ça fait 9 ans. Attends, écoute-moi, ça fait 9 ans, c'est que le supporter, au bout d'un moment, il en a marre en fait. Là, c'est une accumulation de choses. Moi, par exemple, c'est la première journée, je suis déjà à bout. Donc, je suis déjà à bout alors que c'est la première journée. T'es toujours à bout. T'es toujours comme à Traoré. Déjà. Donc, non, Le fait que ce soit la première journée. Je suis toujours à bout parce que ça fait 9 ans. Comme Traoré. Dexter. Ok. Le temps, c'est qu'on en aura le. Ah bon, ok, ça fait 9 ans qu'on fait de la merde, pas de soucis. Donc, voilà, mais ça donc fait le but, ans, donc le but plus, maintenant, si on analyse un match et d'analyser le suivant, dis-toi que nous on a des émissions à faire, non, mais on c'est pas ça. Une heure et demie sur ça. C'est pas ça. C'est juste que si on fait maintenant un avant-match et un après-match, le but c'est avec cet effectif dont on sait la connaissance, on sait la qualité. Il y a personne d'entre nous autour de la table qui voit Bordeaux être champion de France. Hein, on va être très clair. Moi, je pense même qu'être cinquième, ça va être très compliqué. Et sixième aussi, on va se battre pour moi à la huitième place. Maintenant que je sais ça, si à chaque débat de match, je dois venir dire, oui, mais un tel, il est nul, mais on n'a pas gagné parce qu'un tel, il est nul, on n'a pas gagné parce qu'un tel, il est nul, Marc, j'arrête de suite de faire une émission de foot. Marc, par contre, je finis là-dessus, voilà. Je vais plutôt préférer me dire, mais en sachant que Pellenard, il est nul, en sachant que Lechouk, il est pas arrière droit, et en sachant que Gajic, je le trouve pas au niveau pour jouer à Bordeaux depuis quelque temps, est-ce que je pense que la bonne composition, c'est de mettre Gajic à gauche et Lechouk à droite, c'est-à-dire deux joueurs qui je trouve déjà pas très bons en temps normal, pas à leur poste, ou si je mets un joueur qui est arrière droit, et le joueur où je peux pas parce que j'ai un suspendu, un blessé, je mets un autre joueur. Parce que par exemple, moi, ce match-là, je joue pas en 4-4-2. Puisque j'ai pas de latéraux, je joue à 3 et je m'améliore à 5. Là, on peut parler. Ça tombe bien, là, ils ont si pas joué tu 4 trouves 4 que Pellenard, Koundé, etc., ils sont nuls, que Gajic qui peut pas jouer à gauche et Lechouk qui peut pas jouer à droite, je préférerais qu'on débatte en disant est-ce qu'on aurait pas pu faire une défense à 3 et faire un milieu à 5 plus merci. Fort avec Plazil, Sankaré, Le Rager, Basic et un numéro 10, par exemple, Vada, est-ce qu'on n'aurait pas eu une meilleure situation et un meilleur match? Voilà. Ça, c'est un débat que je préfère retenir plutôt que dire que, et répéter que depuis 10 ans, M6 c'est pas le boulot. Oui, j'ai commencé l'émission en disant que oui, M6 n'avait pas fait le boulot. Maintenant, faut qu'on passe à autre chose. Marc, sinon, on va faire un débat qui sert à rien. Thomas. Oui, moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Marc, comme quoi les grosses équipes avaient du mal les 10 premières minutes, par exemple. Rapproche-toi, voilà, juste plus près. Marseille et Monaco. C'est bien. Ben, je prends l'exemple de Barcelone hier, qui contre qui perd 1-0, 1-0 au bout de quelques minutes en Supercoupe et qui finalement arrive après à gagner 2-1. Donc, comme quoi, toutes les grosses équipes ont du mal dans les premières minutes. C'est pas que Bordeaux. Mais tous, le Marseille a morflé pendant une minute. Enfin, Marseille a galéré face à Toulouse pendant une mi-temps. Lyon, un petit peu. Ah, Toulouse, voilà. C'est très mais, Toulouse, mais c'est faible. Oui, enfin, attendez. De saison. On verra dimanche. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de oublier. Attends. Il a pas fini le match. Pardon, vas-y. Bye. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus s'alarmer sur les 15 premières minutes de Bordeaux. Puis après il y a le rouge, après qui plombe et puis après on connaît la suite. Donc c'est pas non plus alarmant, c'est juste un match. c'est pas alarmant, mais quand même, moi je pense que quand même, même à 10 contre 11, tu pouvais au moins aller chercher un point. Mais, bon, après, mais le, tu pouvais chercher un point, mais si tu prends pas ce but, en faisant plus d'efforts, je pense que tu pouvais jouer. Merde, c'est Strasbourg, c'est pas Marseille. Mais c'est ça, il faut pas penser qu'on est. Voilà, c'est merci, non, c'est, mais merci Dexter. C'est quand même hallucinant, quoi. Là, je me trouve vachement complaisant quand même. Je parlais juste en termes de maîtrise. En seconde mi-temps, Strasbourg. Non. Vous pensez meilleur Bordeaux qu'il l'est. Si vous écoutez. Si vous revoyez le match et vous écoutez les commentaires, en seconde mi-temps, avant le but sur coup de pied arrêté, les commentateurs disent « ça y est, Strasbourg commence à déjouer, Bordeaux arrive à faire déjouer Strasbourg ». Xavier Domergue, que l'on salue. Voilà, qu'on a interviewé juste avant, que vous pouvez retrouver l'interview sur Facebook. Et sur Twitter. Voilà, et mini promo interne. Non mais, on commence à faire déjouer Strasbourg, Strasbourg commence à mal jouer et ils mettent ce coup de pied arrêté. Qui est les ragueurs pas assez impliqués sur le ballon, voilà. C'est ça, une erreur individuelle. Kossil qui met personne aussi au premier poteau. Bon, ça les gardiens. Alors ça c'est la nouvelle mode, ça. Oui. Ouais, ils mettent plus personne au poteau. Je sais pas d'où ça. Qui a sorti ça? Mais personne au premier poteau. Mais après sur ce match, on peut pas faire une analyse complète. On peut pas dire c'est à faute du mercato. Je voyais des fois certains qui disaient on a perdu 3 joueurs. Non, il y a aucune recrue sur le terrain. Bah, les recrues viennent d'arriver, elles vont être alignées après. C'est pas, il faut pas faire un mercato pour dire. Alors, juste on fait un point sur les recrues. Moi, j'ai pas vu ce genre d'avis en fait. Ah hein, si, il y a eu des avis comme ça. Ah ouais. Ah ben oui. Ah, t'as pas la même. Malcolm, on l'a pas remplacé parce que. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais Kasri quand il est parti, c'était Youssouf. Kasri, quand on l'a pas, il est parti. Le remplaçant de Malcolm. Oui, non mais attendez, laissez finir parce que là ça commence à être super relou, sérieux. Kasri, quand il est parti, on a dit on recrute un Brésilien, un jeune, on sait pas ce que ça va donner, on l'a pas remplacé. On a juste un jeune, on l'aura pas remplacé directement. On a dit la même chose parce qu'on sait ce qu'on perd et en recrutant des jeunes, on sait pas ce qu'on gagne derrière. Moi, ce que je veux, parce qu'il est déjà 20h45 et que on a fait 45 minutes sur Strasbourg et qu'on a parlé quasiment de tout sauf du match. Non mais c'est vrai, on a parlé du transfert, on a parlé du match, on a parlé un peu du match. Il y a pas grand-chose. Il y a une, il y avait une bonne partie transfert et. Il y a un truc à un moment donné, oui, ok, moi j'en parlais avec Rémi avant. Rémi d'ailleurs, je salue tes collègues Marie-Étienne sur le chat qui sont fan club en fait. Ouais. Qui sont du rêve depuis tout à l'heure. Salut à vous les gars. Ouais, non mais ils sont très très bons. Salut à vous les amis. Comment on appelle ça les gens de Franche-Comté, les Franco-Comtésiens? Les Franco-Comtois. Bah tu sais pas d'où tu viens. Non mais quand même les Franco-Comtois. Les Franco-Comtois. Bah, je sais pas, tu sais pas. Ah si, mais si, mais Gironde, les Girondins, tu sais. Oui, mais refais-le pour moi. Bah je sais pas, les Franco-Comtésiens. Mais non, les Franco-Comtois, évidemment. Oh ça va, on peut plus faire de l'humour, merde. Ah c'est l'humour. Oui, évidemment, je sais que les gens de Franche-Comté, c'est les Franco-Comtois, je suis quand même pas idiot. Oui, je suis quand même pas débile. Bah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Là, regardez, ça, c'est une heure. Quand vous savez pas, il y a une réponse. On n'avait pas des sondages Twitter? Si, mais je peux te les chercher. Oui, bah, vas-y, deux. Ils sont prêts. Mais regardez comment. Ils gueulent, mais en même temps, ils préparent tout, tu vois. Après la prestation d'hier, comment sentez-vous le match contre Mariupol Toulouse? C'est la petite question qu'on vous donnera tout à l'heure. On vous a demandé vos tops et vos flops pour FCGB RCA. Donc vos tops, vous aviez le choix entre les UB, la pelouse, la température et la réponse D. Les 6% qui ont répondu la température, j'ai juste envie de vous taper. Mais 56% ont choisi les UB. Plus chaud que ça, ça va. Ouais, c'est pas froid non plus. T'en as Bordeaux, quoi. Et les flops, vous avez le choix Ils entre... ont mis qui les gens, pardon? J'ai dit qu'ils avaient mis les UB à 56% en premier. Oui, c'est vrai que c'est une bonne ambiance. La réponse D, la pelouse et ensuite la température du match. Vos flops, vous aviez le choix entre Kostil, Pablo, Bass, Leschouk. Kostil est devant avec 57%, suivi de Pablo 24%, Leschouk 11% et Bass 9%. C'est hallucinant. Non, mais quand on met des sondages comme ça, les mecs, faut faire. Enfin, faites gaffe à ce que d'accord. vous mettez. Mais c'est pas que je suis pas d'accord. C'est con. Donc, est élu de flop du match. Ouais. C'est-à-dire que le mec qui te plombe ton match, qui fait que non, c'est ton avis. C'est ton avis. Il y en a, ils pensent pas que Costil, Costil, il sort 4 occasions de but. Costil, je sais pas ce qu'il vous faut. Je dis pas qu'il est top, mais il est sûrement pas flop. Il en sort à peine 2. Il fait son boulot. Deuxième chose, il fait pas son boulot au niveau calme et sérénité au niveau de la défense. Il a pas été capable de la maintenir en place et de la faire redescendre en pression parce qu'il doit aussi parler à sa défense. Il a raté. Donc, face à une défense avec laquelle il n'a jamais dirigé puisqu'elle était totalement inédite. Oui, mais c'est son rôle. Il a l'expérience, il a 36 ans. J'attends de lui qu'il ait. Il a pas 36 ans. Ans, sauf 30 que Marc. Ou 30 et le ragueur qui est fautif sur le premier but, il n'y est pas sur la, dans la ligue. Mais arrête avec les ragueurs parce que c'est franchement. les ragueurs, c'est dès qu'on fait un mauvais match, ça fait alors, les Dexter, ragueurs. Dexter, on va te mettre en rapprochement avec Cyril. Parce que Cyril déteste le ragueur aussi. Non, mais moi, c'est pas une question de déteste. Mais non, mais les flops, il y en avait 140 sur ce match. On aurait pu mettre Gajic, on aurait pu mettre tout le monde. Tout le monde. Mais quand t'es fautif sur le premier but, sur le marquage, il faut, à mon avis. Oui, mais si sur chaque coup t'es arrêté, tu prends le gars qui est fautif sur le marquage. Je l'aime bien. Je sais que t'aimais bien aussi de Préville et on a vu ce que ça donne. Mais attends, de Préville, ça fait qu'une saison. Et ensuite, donc, voilà. Donc, comment on fait pour déterminer ça? En privé, nous, sur notre groupe, on se donne les 4 plus mauvais et on donne les ceux qui reviennent le plus souvent. Donc il y en a qui ont trouvé Gajic aussi mauvais. Bon voilà, il s'avère que c'est ces trois là qui sont ressortis le plus souvent. C'est surtout il y avait Costil, Pablo et Baez sur ce, je dois pas vous cacher que c'était toujours les trois qui revenaient, c'était Lechfou qui changeait, ça dépendait. Ouais. Et puis l'autre, je le garde pour tout à l'heure. Je vais rendre la parole, mais je veux juste savoir ce que vous avez pensé de Baez sur ce match-là. Parce que pour moi, personnellement, je fais juste une phrase, il était quatrième dans la hiérarchie avant le match et il est toujours quatrième. Ah bah tiens, Thomas, et après Rémi, et après Adrien, et après Dexter. Et moi, si j'ai le temps. Moi, c'est difficile de la trouver parce que déjà, rentrer en jeu au bout d'un quart d'heure, ça fait hyper longtemps qu'il a pas joué à part les matchs de préparation. Les matchs officiels, c'est... Oui. Ça fait pas... Il en a pas fait beaucoup l'année dernière. Sachant qu'il rentrait pas dans les plans de Poyet, il rentre au bout de 15 minutes avec une défense qu'il connaît pas, avec des latéraux qu'on peut pas dire non plus exceptionnels. Donc c'est pour ça que normalement on va peut-être avoir le prêt là du jeune espagnol de Barcelone. On va en parler ouais juste après en petite page transfert. Il est bon, toi, il fallait après. Il est excellent. Franchement, t'es très bien pour l'instant, Thomas. Te raconteras après. Continue. Donc c'est pour ça, Baez. Moi, je l'accablerai pas parce que c'est sur un match. Et faut. Moi, j'attends de voir le match de Toulouse, ce qu'il va donner avec une vraie défense parce qu'on récupère Pungé déjà à gauche. D'ailleurs, tiens, je te pose une question. Est-ce que dans l'optique, d'ailleurs, bon, mais vous répondrez après, mais là, Thomas plus spécialement, est-ce que dans l'optique du match de Toulouse, parce qu'il faut qu'on parle de Mariupol aussi, est-ce que dans l'optique du match de Toulouse, il faudrait pas mettre Paul Baez jeudi pour essayer de l'acclimater un petit peu avec Jules Koundé parce que ça sera son collègue à Toulouse. A priori, ça sera une défense Baez-Koundé. Non, je pense pas, non. Non, je pense qu'il faut, on va laisser, faut laisser Pablo Koundé dans l'axe contre Mariupol. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis Poyet, déjà, ne serait-ce que pour que Pablo y comprenne bien, mais que ce genre de saucisse, là, ça te fout dedans. Déjà, Mariupol, c'est sur le banc direct. Que Costil ou pas Costil, je m'en fous. C'est banquette directe pour Pablo. Et il jouera pas à Toulouse non plus. J'ai pas entendu dire ça de Baez quand il a pris son rouge quand il est arrivé l'année dernière. Jusqu'à preuve du coup. Si, il me semble bien. Baez sera pas titulaire. Non, Pablo doit être titulaire parce que tu sais que derrière il sera de nouveau titulaire. Baez en un match ne veut pas piquer à la place de Pablo. Mais sinon, il avait quoi? Ça sera Lechfou qui sera à la place de Baez et vous verrez. Bah, si ça baillait par eux. Lechfou. Tu mets qui si, si, c'est vrai. Non, c'est vrai que. Tu mets Pungé, Gaït à droite. Ah oui, Pungé revient de suspension. Oui, vu que sur les matchs de préparation, c'était Lechfou. Thomas. Ouais, non, voilà, c'était bon. Rémi. Non, moi, franchement, en plus, il rentre sur un coup franc, je crois, en plus, non? Il rentre sur un coup franc, il met la tête, il est au duel à la tête pour. Là, je me suis dit, je me souviens d'un match, je me suis dit, putain, s'il marque, c'est marque, ce là, disait, c'est ce s'il marque là, c'est magnifique. Il rentre, il met un coup de casque, il marque, ouais, ça serait tellement c'est bien. Ce que je voulais, en fait. Non, après, ouais, il fait pas un grand match non plus. En vrai, j'ai l'impression qu'il est pas trop écouté par les autres, quoi. Parce qu'à un moment, dans le match, je regarde, et ouais, il est pas vraiment écouté par Koundé, tout ça. Il manque de communication, quand même. Bon, ils jouent pas tout le temps ensemble aussi, donc. Mais il est pas très. Après, il parle beaucoup. Tu vois, qu'il parle, mais. C'est quand même une défense qui. La première fois de leur vie qu'ils jouaient sur un terrain de football ensemble. Oui. Alors, moi, je veux bien qu'on dise. Une défense, c'est des automatismes, les enfants. Mais on va s'enflammer. On va dire, il n'y a pas de recrues. D'un seul coup, on a quand même. Non, arrête avec les recrues. Non, mais je te parle de la défense. Je te dis, quand même, on a à gauche, c'est Gaït. Ça veut dire que nos deux latéraux gauche. Aussi bons ou mauvais soient-ils, chacun son avis, ils sont pas là. Donc ça sera Gaït que tu mets à gauche, qui fait pas un match exécrable, surtout quand t'as Camano devant toi. Kissi se laisse tomber, je pense. Kissi se laisse tomber, le pauvre, au lieu d'être honnête et de se relever pour jouer le ballon. Il se bat jusqu'au bout. Il se bat jusqu'au bout, il aurait peut-être pu obtenir un penalty, mais bon. Et à droite, t'as Sabali qui est blessé, et donc Pagajic qui est à gauche. On nous parle de 2-3 semaines pour Sabali. Et c'est même pas ça, finalement, qui te fait vraiment perdre le match. Parce que c'est même si Bayes fait pas un sacré match, mais ce qui fait perdre le match vraiment, vu qu'en seconde mi-temps, comme on dit, le problème c'était on n'arrivait pas à aller de l'avant, ça c'est un problème. Même si on commençait à récupérer des ballons et tout ça, mais ce qui te fait perdre le match, c'est que derrière tu prends ce coup de pied arrêté. Adrien, je te demande de parler de Paul Bayes. Je m'en fous de te faire perdre le match. On a changé de truc. Mais là, sur la prestation de Bayes, on va surtout retenir sur les 30 dernières minutes. Enfin, sur les minutes après le but. Parce qu'avant, il fait pas une prestation catastrophique. Pour moi, il fait un match honnête. Ouais, moi, avant. J'ai pas trouvé scandaleux aussi. Voilà. Pour un mec dont c'est le premier match depuis Bordeaux, depuis 3 Bordeaux, je crois, au mois de mars, qui a joué qu'une fois, qu'un seul ou deux matchs avec Koundé d'automatisme et de machin, bah, je suis désolé, Il y a un truc qui m'a énormément gêné sur ce match, c'est qu'il parle énormément. Énormément. Ah bah, c'est le rôle de lui. Non mais lui a du mal à se concentrer sur sa tâche. C'est-à-dire que dire à l'autre qui doit marquer, c'est bien. Mais si toi t'es pas au marquage de ton joueur, ça sert plus à rien. Mais dans ce cas-là, alors sur ce match-là, il y en a aucun qui doit dire quoi que ce soit parce qu'ils ont tous été à la plaque. Non, mais arrive un moment, tu sais quoi, le taulier en défense, il s'appelle Koundé. Donc tu laisses Koundé gérer. Laisse-moi finir avant de dire non. Remarquez le nombre de fois. Mais t'adores Bayes. Donc dans tous les cas, tu détesteras. Non, mais si. Non. Tu fais l'effet inverse de Camano. Mais non. Quand tu vois Koundé, tout le match que t'as Paul Bayes, que t'as 300 matchs de Ligue 1, je suis désolé. Me dis pas que le taulier. Mais je m'en fous. Mais qui ne met pas un pied devant l'autre depuis 6 mois? Bayes ne met pas un pied devant l'autre. Il n'a pas été conservé par son club d'avant. Enfin, arrive un moment, il faut aussi être lucide avec ce joueur. Personne dit que Bayes c'est un phénomène. Mais moi, sur ce match. Là, pour moi, ce match-là, il restait numéro 4 dans la hiérarchie parce qu'il a voulu faire. C'est pas juste déjà. Moi, j'adore pas particulièrement Paul Bayes, mais le mettre numéro 4 derrière Letchouk, c'est une honte, c'est une insulte. Oui, je vois pas. Moi, je suis désolé. Il est mauvais. J'ai pas vu encore un bon match de Bayes à Bordeaux. Pas un seul. Je suis désolé, Bayes, il est meilleur que Letchouk. Tu l'as vu jouer défenseur central depuis un moment. Ensuite, il a voulu faire monter tout le bloc. Regardez, il veut que l'équipe joue leur jeu. Il a voulu que l'équipe joue leur jeu. C'était le mec. Quand tu joues le hors-jeu, que tu prends la position de libéro, tu dis aux autres de monter. Mais tu montres que si tout le monde monte, vous verriez le nombre de fois où il fait monter le bloc et il se retrouve à être l'un défenseur le plus haut sur le terrain et avoir un joueur dans le dos. Mais heureusement que Strasbourg n'était pas bien inspiré parce que des ballons derrière le dos de Bayes, il y en avait un paquet à jouer. Moi, je suis désolé, je regarde un ensemble. Mais le match de Bayes, moi, il m'a pas rassuré. Le match, il m'a pas rassuré. Alors, en plus, il y avait l'effet qu'on était 10 et en plus, il y avait l'effet qu'il y avait pas de milieu en face et en plus, il y avait l'effet qu'il avait un mec à gauche qui était pas un arrière-gauche. Enfin, si tu veux, quand tu les cumules comme ça, moi, ça me pose un problème. Donc, Pablo, et Koundé, mais Pablo quand il va revenir malgré son mauvais réflexe parce qu'il a quand même un joueur qui lui coupe la course, hein. Ça on l'oublie beaucoup dans l'analyse, mais arrive un moment quand t'as un joueur qui te coupe la course et que t'as tes pieds qui le chevauchent un petit peu, que le mec en face il a cherché que ça à tomber et qu'il a pas à un seul moment voulu aller au but. Alors, c'est pas de la faute de Pablo, alors bravo. Non, je dis que c'est la faute de Pablo, mais que pour moi c'est un accrochage comme il en existe d'autres dans un match qui est très malheureux parce qu'il te t'amène à 10. Pour moi le match de Bayes il est vraiment pas bon et pour moi il est loin de pouvoir prétendre à être titulaire quand Pablo va revenir, mais de très loin. Eh ben écoute, faut espérer pour lui que sa situation se décante. Ceci dit, moi je suis à sa place, je vous l'ai dit au stade. Oui, Rémi, t'inquiète. Ouais, c'est moi, Bayes, en fait, à chaque fois j'y pense, il y a qu'à Bordeaux qui réussit pas, comme si tu regardes. Juste que prophète en son pays. Ouais, voilà, ça, il a été très bon en synthé, il a été très bon à Nice, il a été très bon partout. Et après, c'est toujours pareil, le contexte, c'est toujours pareil. C'est enfin, malgré ce que pensent certains, je vais maintenir ce que je dis parce que je suis persuadé que j'ai raison, comme pour les paroles du chant. L'intéressé se reconnaîtra. Il bouge mais, pas. Non, mais je dis pas ça spécialement pour lui sur ce cas-là, mais je répète, si vous jugez un défenseur central sur un match, alors qu'une charnière, il faut plusieurs Koundé, Pablo, ils ont mis 3, 4, 5, 6 trucs à se mettre en marche. Une charnière, non, parce que le premier match qu'ils ont joué ensemble, ils ont été très bons, dommage. Ça se juge, mais être très bon sur un match, c'est très bien. Après, il faut de la régularité. Et c'est là où ils ont enchaîné. Ils ont joué le premier match, ils ont été bons. Et à chaque fois qu'ils jouent ensemble, ils ont enchaîné. Et le problème de Pablo, c'est qu'il a joué trois matchs avec. Sérieux, c'est bon. Bass, il a joué trois matchs avec Pablo, il a jamais été bon. Donc moi, je veux bien, mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai vu Bass, il a pas été bon. Et contre Monaco, il a été très mauvais. Mais il a pas été bon contre 3. Putain, il met une baffe. Vous êtes en train de m'accabler, Pablo. C'est contre Pablo. Quand qui met Le même là, il avait pas été bon. Allez, on passe à la suite parce qu'on a fait une heure et que de toute façon, on s'en sortira pas. Allez, Dexter, un dernier mot sur Strasbourg ou pas? Non, c'est bon. Me relance pas Marc, mais non, c'est ça. Non, c'est bon. Hein. C'était un match, c'était dépitant, non, c'est tout. C'est dépité, dépitant. Ouais, c'est ça. On aborde la saison d'une mauvaise manière. Et sur la Coupe d'Europe. Après la Coupe d'Europe, j'espère qu'on va jouer autre chose que des clubs de National 3 et puis après on verra contre la Gantoise. Ouais, voilà. On va en parler dans quelques instants, mais oui, ça risque d'être un petit peu différent. Voir, on va voir contre un club de notre standard, on va dire à peu près. Merci Dexter, merci à toi. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, ça fait toujours plaisir. Donc merci à toi. On se retrouve à la prochaine des fêtes. À samedi. Tu nous appelles. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de nous appeler après Gantoise? Si on se qualifie déjà. Tu veux dire quoi après le match aller-retour? Après le match aller-retour ou après le match aller? Non, après le match aller-retour, parce qu'après le match aller, si on perd déjà. Mais Dexter, tu peux nous rappeler quand tu veux. À chaque défaite, mais c'est qu'on perd souvent, donc c'est pour ça que j'ai. C'est vrai, appelle-moi souvent alors. Non, mais juste comme ça, parce que tu viens de dire toi-même qu'on allait être un club à peu près de notre niveau. Ouais, on va dire que c'est un club potable. Voilà, qui jouerait la 8e, 7e place en Ligue 1. Oui, c'est beaucoup. D'accord là-dessus. Oui, et qui a mis deux savates à Lyon il y a un an et demi en Europe League. Plus. Donc si jamais, en fonction de l'image qu'on aura, on pourra. Et je suis d'accord avec toi, ce sera un très bon indicateur. Plus que Strasbourg, Toulouse et Monaco. Clairement. Merci. Je m'engage. Alors on attend ça avec impatience. Merci beaucoup mon petit Dexter. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Ciao mon grand. Vous savez quoi, moi j'aime bien avoir Dexter. Ouais, parce que Dexter au moins il a ses trucs et il lâche pas. Bon, le problème c'est il a ses avis. Bon, des fois ça nous arrive d'être d'accord, mais on n'est pas le souvent d'accord. Thomas, il doit se dire pourquoi je suis tombé quoi. J'aime beaucoup ça aussi parce qu'au moins tu confrontes des avis. Moi ce qui m'agace c'est quand on veut pas il faut sortir de l'analyse facile qui est simple et en frontière portugaise c'est alors, trop simple. L'analyse facile elle est là, il nous reste une demi-heure d'émission et oui ça passe très vite et on doit parler de Mariupol, on va faire 10 minutes ou un quart d'heure et finira par les transferts parce qu'il y a une petite info qui vient de tomber de dernière minute. Nope, Adrien ne dit rien. Ne dites rien messieurs, on va garder ça pour la suite. Alors très rapidement, est-ce que j'avais encore une info sur Strasbourg ou pas? Oui, juste une petite déclaration de Thierry Loret sur la fin de match, qui justement parle de... Il dit, on n'avait pas forcément prévu qu'il y ait un fait de jeu en notre faveur. Quand on travaille la semaine, c'est pour jouer à 11 contre 11. Donc on sait qu'à 11 contre 11, on aurait été plus en difficulté. Il le dit lui-même, Thierry Loret. Les Bordelais étaient un peu atteints physiquement, notamment en seconde période. On a eu la bonne idée de les faire courir. C'était le plan de jeu. Déjà à 11 contre 11 et en deuxième mi-temps, cette équipe avait le match de jeudi, c'était dans les jambes, c'était très difficile quand tu dois rejouer 3 jours après et que tu te trouves rapidement à 10. On est content, sans plus, on est heureux, voilà, enfin bon, c'est un début de saison. Merci de l'ami Thierry. En tout cas, lui, ça fait 2 ans qu'il vient et ça fait 2 ans qu'il nous met la pile. Sur 2 matchs, pas 5-0. On les a battus chez eux. Oui, d'accord, mais enfin quand même. De façon extraordinaire. Ouais. On a gagné des buts de 100 carrés. On a gagné à Strasbourg. Oui, un but de 2-0. 2-0. 2-0. On a pris 5-0 chez eux. Avec un but de 100 carrés et de. Oui, de 100 carrés, gars qui dégage sur 100 carrés. Voilà, c'est ça. Messieurs, jeudi 20h45 au nouveau stade Matute Atlantique Renégalis. Le vrai football revient, le football qu'on aime. Le football champagne. Bon, accessoirement, on est content parce qu'on sait qu'on est déjà quasiment qualifié. Oui. Bordeaux prenne 3-0 pour reçoit un match retour Mariupol. Donc battu 3-1 à l'aller par les Girondins. Bon, alors, on va tous respirer un grand coup et voilà. Il faudrait au minimum que Mariupol s'impose 3-0. Par 3-2-0, ça passe pas. Voilà, c'est 4 Ou 4-2. Ou 4-2. Il faut au moins 3 buts pour Mariupol. Et si jamais ils atteignent les 3 buts, c'est soit 3-0, soit plus de 3 buts, voilà, avec au moins 2 buts d'écart. Voilà. Donc 4-2, 5-3. Enfin, à partir de 3-1, c'est prolongation. Bon, on va pas se mentir. Allez, pour le fun. Thomas, quand même, t'as pas peur? Dis là un peu que t'as peur. J'espère pas. Si on est sérieux, si on fait pas n'importe quoi. Ça devrait se passer. Normalement, remonte un petit peu le micro, faut que ça. Normalement, tout devrait bien se passer, mais bon. Ah oui, mais je suis à fond. Hein. Que tout devrait bien se passer, et puis on va voir. Normalement. Ça sera à voir. Tu ferais quoi comme changement par rapport à ce que t'as vu dimanche et par en rapport sachant à... que Briand, Kalou et Basic alors, ne seront pas qualifiés. Alors justement, je voulais en parler, ça, parce que ça aussi, c'est quand même un truc, quand même. Je comprends pas que ça soit. Attends, stop. Taisez-vous, je vais donner le juge de paix là. Pardon. Je comprends pas ça aussi qu'on l'anticipe pas quand tu recrutes des mecs. Jimmy Briand, il est en mesure de disputer les barrages. Donc, la Gantoise, si la Gantoise, il y a. Ça peut être l'adversaire de la Gantoise. La Gantoise a gagné que 1-0, mais bon, à l'extérieur quand même. Le Croate, lui, alors c'est clair, il a joué avec Adjoub Split déjà le tour d'avant, donc c'est mort. Et lui, c'est non seulement même pas la Gantoise, c'est pas avant les phases de poule. Donc, c'est-à-dire les trois. Ah, si, c'est pas avant les phases de poule. Et alors le troisième, c'est encore plus fantastique, hein, c'est que Samuel Kalou, il attend toujours son titre de séjour. Bah oui, parce que Samuel Kalou étant nigérian, donc extra communautaire, il peut pas, comme tout salarié, pas de papier. Si, il a des papiers, mais pas de titre de séjour et pas de permis de travail. Donc il doit se contenter de rester en tribune pour regarder les matchs. Ça aussi, on va pas reparler du recrutement, mais enfin quand même, je dis, est-ce que c'est pas des choses qui s'anticipent un peu quand même? Tu le sais que Basit il a joué, tu le sais que Kalou il est extra communautaire, enfin je sais pas, bref, bon, on va pas refaire le débat là-dessus, mais c'est trois garçons qui auraient pu rentrer peut-être dans une rotation d'effectifs pour se lancer un petit peu dans leur saison et qui pourront pas le faire. Thomas, qu'est-ce que tu sur Mariupol, qu'est-ce qui te est-ce qu'il y a des joueurs que t'aimerais bien voir? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais bien voir? Je remettrai Youssou déjà, parce qu'on l'a pas, on a pas pu le voir déjà. Bah du coup le pauvre, lui il a une grande chance de débuter et de faire tout le match. Je remettrai Sangaré aussi à la place de soit Plasil soit Le Rager, parce que Plasil il commence. Bien devant le micro. Il commence à être un peu fatigué, j'ai l'impression. Pourquoi pas Vada? Tant qu'à faire. Alors Vada était en tribune dimanche. Ouais. Alors est-ce que ça présage Otavio aussi que. Otavio était aussi en tribune, en réserve. Ouais, même en réserve. Et puis après moi je verrais bien donc Punji à gauche et pourquoi pas tenter Carrick à droite. Alors c'est vrai que il était là le petit Thomas. Est-ce qu'il était sur le banc ou pas? Il était sur le banc. Il était sur le banc. Oui, donc on avait un arrière gauche qu'on n'a pas fait jouer. Droit. Arrière droit. Droit. Pardon. Si tu trouves les arrières. Oui, mais alors ça aussi, Marc, je le rejoins aussi des fois. Donc on avait un arrière droit, mais on a préféré mettre un défenseur central arrière droit. Bon, ok, d'accord. Moi je veux bien, mais si on me dit que Thomas Carrick il a pas le niveau pour jouer face à Strasbourg, qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Voilà, c'est clair. À la limite, laisse-le en CFA et puis, enfin, bref. Bon, parce que les peu de matchs qu'il a fait avec Bordeaux l'année dernière, il a pas été non plus franchement hyper mauvais. Et voilà. Donc pourquoi pas le remettre contre Mariupol jeudi, même s'il aurait pu être remis à des Il y a déjà contre Strasbourg. À la place de Letchouk, ce serait un peu plus rapide. Moi, de Poyet, j'anticiperai aussi sur ce qui arrive, parce que Pablo va au minimum prendre un match. Bon, après, il n'y a pas voir de déchets. Voire deux. Carton rouge, je dirais que c'est deux. Non, c'est un. Un avec sursis, peut-être. Voilà. Ouais, bah après, il n'y a pas non plus de violence, c'est pas un tac par derrière, c'est pas un truc assassin. Bon, allez, s'il s'en sort bien, c'est un match. Mais je pense j'anticiperai ça justement en essayant d'avoir un semblant de défense qui sera titulaire et pour Mariupol et pour Toulouse et peut-être même pour Monaco puisque Punji de toute façon sera pas là avant 2-3 semaines. Sabali, pardon. Punji, je sais pas s'il purgera encore un match de suspension face à Monaco parce que je crois qu'il en avait pris quand même. Non, il joue contre Toulouse. Il peut jouer contre Toulouse. Bon bah voilà. Donc ouais non, mettre en place un truc et puis surtout bah voilà faire le taf et puis là les enfants si c'est un match tout pourri, il faudra pas se plaindre, l'important c'est la qualif hein. Donc si ça fait 0-0, un partout, même qu'on perd 1-0, ouais. Attendez-vous pas à avoir je pense du grand spectacle. Je préfère gagner quand même. Qui sait au match à Lyon, on s'attendait pas à du grand spectacle, on a eu des buts sympathiques et tout ça. C'est un match qu'il faut aborder avec sérieux pour se qualifier. Il ne faut pas penser qu'on est déjà qualifié, ça c'est le gros risque. Il faut presque mettre l'équipe titulaire. Sankaré qui n'a pas débuté, je ne suis pas sûr. Ça, Adrien, ce genre de truc, tu sais, comme les mecs qui te disent bon les gars, allez, on rentre, il y a 0-0. Bah non, il n'y a pas 0-0, non, il y a 3-1. Non, mais il ne faut, pas toi, penser que tu es déjà qualifié, il faut faire un match sérieux. Évidemment. Sankaré, je ne sais pas s'il était. Parce que Sankaré, sur le début de saison, il y avait des fois où il pouvait pas jouer, donc pour des raisons physiques. Donc on ne sait pas s'il a été préservé sur le match de Strasbourg. Donc il y a de grandes chances quand même de le voir titulaire jeudi. Plasil, de le voir titulaire, ben t'es un peu obligé, ou tu peux mettre les ragueurs plus bas. Enfin, c'est un match. Tu peux relancer des joueurs comme Depréville sur un côté, pas en pointe. En pointe, je pense que alors, tu gardes la borne. Je sais qu'il nous, écoute pas, hein, mais Poyet, je comprends pas. Ça fait, alors on a fait souvent le débat et on va peut-être encore le refaire. Ça fait 3 ans qu'on joue avec 3 milieux de terrain, 3 attaquants, et ça fait 3 ans qu'on est totalement impuissant avec ce système. Arrête. Ah ok, Adrien, quel est le dernier attaquant des Girondins de Bordeaux, vrai attaquant, qui a marqué plus de 10 buts? La réponse, c'est Jack Diabaté. Non, la Borde. Et c'était il y a 5 ans. La Borde. Voilà. La première année de Gourvennec. Super, 4 mois avec la KLM, 4 mois. De non, mars, mais il met plus de 10 buts. Bravo. Tu me demandes qui met plus de 10 buts. Mais arrêtez, vous voyez bien que ça marche pas. L'an dernier. Mais les mecs, ils savent pas s'entraîner. L'an dernier, on fait. Il faut arrêter avec ça. On fait une bonne saison. Et c'est pas parce que ton attaquant. Si tu gagnes et que ton attaquant marque pas, moi, je préfère ça que faire avoir des joueurs autour qui sont mauvais et juste ton attaquant qui peut marquer. C'est un faux débat, les mecs. Oui, vu que... des équipes qui jouent en 4-3-3 avec un attaquant qui claque des buts sur buts, moi je prends Paris Cavani. Le problème est aussi deux choses, la qualité de tes centres et la qualité de ton attaquant. Merci. Et donc si tu n'as pas la qualité de centre et que t'as pas la qualité d'attaquant, et ben sauf ne utilise pas ce système. Tu as un effectif sans milieu latéral. Mais au match aller, la Borde, il marque 2 buts. Les buts du match aller sont pas des buts. Surtout, le premier but construit dans le jeu. Le premier but, c'est pas des buts. Il y a peu de buts construits dans le jeu. Au-delà de ça, tu n'as pas les joueurs, t'as pas un milieu droit ou un milieu gauche, comme tu avais un Wendel ou un, comment il s'appelait, Fernando Alonso, je sais pas trop quoi. Alonso, c'est la formule. Non, c'était des joueurs où quand tu avais, des Miku, quand t'as fait jouer Plasil à ce poste-là, qui étaient vraiment des joueurs capables de jouer milieu droit ou milieu gauche. Aujourd'hui, tu as des ailiers. Dans ailier, il faut quand même entendre attaquant. Donc aujourd'hui, ton groupe est malheureusement, parce que je suis pas non plus un fan de ce schéma, construit comme ça. Ok. Par contre, il faut un joueur capable de jouer deux buts. Et quand moi je vois le recrutement de Briand, quand je vois le recrutement de Depréville, quand on fait l'année dernière, alors qu'on sait qu'on va jouer comme ça, là je comprends pas. Après, des joueurs qui jouent dos. Si Briand, il t'amène la profondeur que t'as pas. Oui, avec, mais t'as besoin. Mais le problème, c'est que on est quand même une équipe de possession et arrive un moment. Faut pas oublier le petit Mendy qui va revenir aussi, Marc. C'est le seul qui est capable de jouer dos. Parce qu'on a tendance à l'oublier, ce garçon. On doit recruter un attaquant de haut niveau. C'est quand même ce que pour quand tu vas chercher un attaquant à 15 millions, c'est quand même t'attends du haut niveau. Donc j'espère que ce joueur aura la qualité de jouer tout seul devant, sinon ça veut dire que je comprends pas du tout comment on joue. Voilà, on peut jouer comme en 4-4-2 sous Bob avec des milieux qui gèrent le jeu. Moi c'est ça que je veux voir. Mais tu vois contre Mariupol, j'aimerais juste qu'on voit les joueurs, tu sais, qui sont sur la sellette. C'est-à-dire j'aimerais qu'on voit Otavio, j'aimerais qu'on voit Vada, j'aimerais qu'on voit Bekajic, j'aimerais qu'on voit Pelnar, mais bon, il sera blessé. Tous ces joueurs-là, j'aimerais voir, tu sais, une défense, base, Leschouk. Tu dois en prendre 4. Oui, mais au bout d'un moment, il faut que. Il faut que tu revoies ces joueurs à l'œuvre. Je suis désolé, si c'est pas pour les faire jouer derrière. Tu veux encore tout changer par rapport à ce week-end. Mais le problème est pas là. C'est que par rapport à ce week-end, je veux reposer des joueurs qui n'auront pas la capacité de jouer tous les 3 jours. Oui, au moins deux, faut qu'ils soient en forme à Toulouse. Quand il fait 35 degrés, là, arrive un moment, c'est juste une bêtise. Tu t'es facilité le match en gagnant 3-1. Bon, ok, mais on facilite-le toi jusqu'au bout. Maintenant, tu fais tourner et tu fais réellement tourner. Papi Plasil, je veux pas le voir sur la pelouse. Je veux voir Sankaré, Le Gregor, Otavio. et Laura Hager au prochain match, il sort et à la place de Laura Hager, je vois Sankaré, Plazil avec le petit jeune qu'on a recruté. Là, t'auras fait tourner ton groupe. Là, t'auras fait tourner ton groupe. Ou je veux voir Tchouaméni à la place de Laura Hager ou peu importe. Mais je veux que tu fasses tourner ton groupe. Sur ce match-là, si tu ne fais pas tourner alors que t'as un boulevard et qu'il te reste à jouer Toulouse, le match aller à la Gantoise, Monaco, le match retour à la Gantoise, Rennes, alors que t'as déjà cramé 3 points, je te le pardonnerai pas. Mais il faut autant je peux excuser Pouillet sur certaines choses, mais là par contre merde. Rémi sur Mario. Oh, Mario Paul, Non, bah, Marc a raison, il faire tourner un peu. Ça, tu donnes du temps de jeu à certains qui n'ont pas joué depuis le début de la saison, aussi. Puis non, après, si tu, franchement, rien à dire, tu dois gagner, tu dois pas te faire peur, surtout. Tu dois te qualifier, surtout. Ouais, tu dois te qualifier, gagner, après, chose, tu gagnes ou tu fais un match nul, mais tu perds pas, quoi. T'es chez toi, tu as pas commencé à jouer à 10 à 10 derrière. C'est là où Marc a raison aussi de dire que certains doivent, si on leur donne leur chance, évidemment, notamment aussi, Vada ou Otavio, par exemple, de montrer que, alors certes c'est que Mariupol, mais de montrer que justement sur les matchs comme ça ils sont là et ils sont à leur niveau Pungé sera là aussi je pense, parce que même Pungé oui il sera là, pas assuré je pense d'être, enfin moi je comprends pas qu'on puisse encore se dire on va faire une saison complète avec c'est Poyet hein, qui évolue ça. Oui non mais bon ok très bien mais bref. Bobby sur le chat, Bobby the Second nous dit un 4-4-2 avec un milieu en losange avec Vada en 10, Plazil en 6, Youssouf relayeur droit et Sankaré relais. Oh merde. Relayeur gauche, Laborde et NDP devant, défense Karikoun. Koundé. Là, je sais pas ce que j'ai. Karik Koundé, Base Pungé. Ouais. Ça te va, ça marque, tiens, au vu de ce que t'as dit, comme dans ta rotation, machin, tout ça, là. Et ça me refais pas toute l'équipe. Non, juste Koundé, parce que le problème aussi, c'est de gérer une saison et que Koundé, aujourd'hui, derrière, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je dis que pour moi, c'est le taulier, c'est pas une blague. C'est juste, t'as pas le droit de le perdre. Imagine, tu le blesses parce qu'on est à une période où musculairement, c'est dangereux. Prends pas le risque de te cramer Koundé. Crame-toi quelqu'un d'autre, mais pas lui, quoi. Et ben, il se prendra sa chance comme il l'a eu l'année dernière. Je sais pas ce qu'en pense Rémi, mais c'est un gros risque et c'est pas un cadeau pour les joueurs. Tu leur dis, tiens, je te donne la chance, mais je te donne la chance dans une équipe complètement retournée qui n'a aucun automatisme. Ouais, enfin, t'as pas Attends, je suis désolé. Ouais, aussi... Attends, la chance, t'as aucune obligation de victoire, premièrement. Si tu fais jouer certains joueurs, leur dis les gars, faites-vous plaisir, soyez bons et vous êtes même pas obligé de gagner le match. Mais s'ils gagnent pas le match, on dirait ils sont pas bons et puis voilà, poubelle. Non, il faut que sur certains postes, comme Otavio à la place de Plazil, comme Depréville qui peut remplacer Camano ou même Youssou si tu prévois de le faire jouer plus tard. Enfin, tu peut faire des retouches, mais vraiment sur 3 postes, 4 au max, mais pas donner une équipe complètement bouleversée. Depréville, Laborde, Youssouf. Laborde, okay. Tu mets tout à l'heure. Oui, voilà, mais Laborde, il est à deux doigts de se casser. Ces trois-là, c'est pour ta saison future, c'est des remplaçants. Trois jeunes cités. Et puis tu peux les mettre. Tu peux mettre Otavio, Sankaré, Tchouaméni ou Laura Hager. Oui, voilà. Là, d'accord. Non, mais au final, t'as encore sur le truc. Pour moi, t'as un titulaire, Sankaré. Après, t'as Plazil et le jeune qu'on vient de recruter. Donc, pour moi, c'est fini. Et ensuite, ta défense, je te mets Base et Pablo ou Pablo. Et je te mets Gagic et je te mets un autre à gauche. Et je mets Pungé. Mais voilà. Et je suis désolé, j'ai changé trois quarts l'équipe. Non. Non, t'as changé par rapport à l'équipe type qui est prévue, mais l'équipe de ton début de saison, finalement, t'as changé Camano, Plazil et Koundé. Mais c'est ça, il faut juste faire attention à ça, pas trop tourner. Là, le truc que je dis, après moi, c'est des mecs comme Otavio, Vada sera des mecs qui doivent faire limite, faire gratter la tête à Poyet, quoi. Les mecs qui doivent faire un match de fou, puis les mecs doivent dire putain, en fait, ils sont motivés et tout. C'est ça, les mecs, ils doivent rentrer. Montrer que t'es concerné et que t'as envie même si tu joues pas beaucoup, à chaque match que tu vas faire, tu vas donner tout ce que t'as. Ouais. C'est que Mariupol, ok, mais justement, montre que c'est que Mariupol et que t'as le niveau pour les défenseurs. Puis tu bouscules un peu ceux de devant pour leur faire un peu peur aussi, quoi. C'est ça, parce que c'est sûr, si t'es complètement translucide face à Mariupol, je crois pas que Poyet, il va se dire oh là là, la vache, je suis là, et tu vois. Par contre, tu parles de zéro objectif de victoire. Il faut gagner. C'est pas obligé. La compo que j'ai fait, pour moi, c'est à peu près l'équipe bis de la saison. si cette équipe-là, elle est pas capable de gagner contre Mariupol sans aucune, sans aucun stress, je me fais des soucis pour la saison prochaine. J'espère qu'on gagnera pas après le match de barrage. Sachant que l'équipe qui avait déjà au départ était pas une équipe bis, mais c'était quand même une équipe relativement jeune et qui s'en est quand même assez bien sortie malgré, malgré l'ouverture du score. Oui, mon petit Thomas. Ouais, moi, revoir un gars comme Otavio, par exemple, en milieu défensif, moi, on l'a perdu de vue dès que Poyet est arrivé, mais sinon la première partie de saison, il n'avait pas été non plus hyper mauvais. Il faisait son taf en milieu défensif, donc moi revoir un gars comme Otavio, lui redonner sa chance, pourquoi pas. Je suis d'accord avec toi. Les premiers matchs que fait Otavio, ou je sais surtout plus, contre Nantes aussi. Il est pas, match, ouais. Franchement, ouais, j'ai pas compris la trajectoire de ce joueur. Il fait pas, il a pas fait des premiers matchs. Enfin, il était plutôt intéressant. Bon, Paris, il faisait en fait, on est cruel, on est il cruel. Il faisait le taf et puis du jour au lendemain. Ouais, non, prends celui-là un petit peu, ouais, parce que le pauvre, il est en rare de faire tout le temps. Vous avez pas remarqué que ce joueur-là était bon contre les équipes sur lesquelles on avait le ballon? Dès qu'on était contre une équipe qui, elle, avait la position et où il fallait quadriller ton terrain, ce joueur n'était plus bon. À chaque fois, en fait, pour moi, ce joueur est trop jeune pour la Ligue 1 et il est trop faible tactiquement. Trop jeune? Mais il est tout jeune, Otavio. 24. 24 ans, je crois, ou 25. Il est jeune, il vient d'arriver en Europe, quoi. Pour moi, il n'a pas le bagage tactique pour savoir se positionner sur un terrain. C'est-à-dire, c'est un faux follet, c'est un électron libre. Le problème, c'est que c'est un électron libre en tant que défenseur latéral, en tant que sentinelle. Là, ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'un match contre Monaco, contre Paris, etc., tous ces matchs-là, vous regarderez qu'Otavio est passé à travers parce que, généralement, il n'était pas bien positionné sur le terrain et créait des espaces au milieu devant la défense qui, à chaque fois, nous ont été fatales. Vous regardez les matchs de Paris, c'est exactement ce qui se passe. J'ai pas envie de porter la perte, mais pour moi, il manque là-dessus d'expérience et de qualité tactique pour bien se positionner. Contre des équipes où on a le ballon, il fait le boulot nickel parce qu'il joue comme un libéro derrière ta ligne d'attaque. Il va à droite, à gauche, il ramasse tous les ballons. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, tu vois, c'est le N'Golo Kanté du pauvre, dans le sens où N'Golo Kanté tactiquement, c'est un monstre. Ah oui, oui, mais après, on est injuste avec Otavio et tu le mets réserviste, c'est ça. On n'est pas à l'entraînement et tout ça. Mais Otavio, après, l'an dernier, jugé sa saison Adrien, l'an dernier. C'est toujours pareil, nous ne sommes pas aux entraînements quotidiennement. Après, ce que le mec, il a branché pas une et tout. Otavio, il faut savoir que l'an dernier, il arrive, et quand on avait demandé aux spécialistes du football brésilien, nous dit Otavio, il arrive, il sort d'une saison, il venait de terminer sa saison avec plus de 30 matchs. Et derrière, tu le fais enchaîner directement avec une autre saison sans repos. Et ça, c'était le risque. Ça veut dire que si t'as jugé Otavio sur ce qu'il était l'an dernier, alors qu'il était pas dans les conditions, dans de bonnes conditions pour réussir, c'est cruel. Mais rien n'empêche Otavio. Je pense que la plupart des supporters bordelais te disent, s'il joue pas cette année, faut qu'il soit prêté parce que c'est un gâchis de le garder lui faire subir 38 matchs en CFA ou en tribune, c'est un joueur qui a de la qualité et je comprendrais pas qu'il n'y ait pas un club de Ligue 1 qui soit capable de se dire tiens, on a besoin de lui pour qu'il soit prêt. Avant de passer à la page transfert, vos pronos rapidement pour ce match. Quel est votre pronostic? Pronostic? Oui, votre pronostic. Okay. Une boucherie. Boucherie ou pas boucherie, Thomas? Ton petit prono pour ce match-là? Un petit 2-0 pour Bordeaux. Ça me va bien. Adrien? 3-2. Bon, vraiment, j'ai envie de voir du spectacle. Toi, tu joues le suspense, toi. Mais pas une fois que au stade, j'ai envie de voir du spectacle. Marquinhos? Pour moi, il y aura 2-0 pour Mariupol. Ah, carrément, toi, mais si jamais on fait tourner, si on met l'équipe titre, je pense qu'il y aura 2-0, mais pour Bordeaux. Moi, je me souviens du match aller. Je me souviens qu'on avait stressé comme des malades et que on avait eu du mal à mettre le pied sur le ballon et tout ce qui va avec. Je vais vous dire une chose qui va peut-être paraître aberrante aux oreilles de certains. On perd ce match-là, 1-0, 2-0, mais on se qualifie quand même. Mais on le perd. Mais si ce match-là nous permet de retrouver certains automatismes ou tu vois ce que je veux dire, nous permet à certains joueurs. Ouais, mais je pense que là, si jamais tu perds après avoir ton match contre Toulouse qu'il y a derrière. Le problème c'est qu'il y a Toulouse derrière. T'as intérêt à le gagner parce que sinon ça te fait 3 défaites d'affilée. Non, il faut le gagner ce match. Il faut le gagner pour être bien dans la tête. Rémi. Bon, 1-0. Simple, efficace. 1-0. Simple. Mais pour moi, on va être en difficulté. Vous allez voir qu'on va être mis en difficulté. Ah, bah, c'est sûr. Oui. Au match aller, je me souviens que sur les attaques rapides. Ah, ils sont bons. T'es en difficulté 20 minutes, oui, 20-25 minutes. Ouais, un peu plus que ça, ouais. Et je te signale que les buts que tu mets, c'est pas des buts que tu mets parce que t'as le ballon pendant une demi-heure et que t'as 3-4 occasions franches. Hein. T'as pas non plus énormément d'occasions sur un terrain pas terrible, etc. Donc voilà. Mais je pense que si c'est pas l'équipe type et qu'on fait grandement tourner, je pense qu'on va se retrouver en difficulté, notamment pendant la première mi-temps. On a un sondage ? Oui, vas-y. Après la prestation d'hier, comment sentez-vous le match contre Mariupol FC et Toulouse FC ? Il y avait très inquiétant. Ou pas de tresse, il y a Poyet. C'est la blague d'Enzo, il m'a dit de la faire, donc je lui ai fait, voilà. Bon. Donc c'est pas de tresse, pas de stress, il y a Poyet. Ça, c'est Adrien qui lui a dit, c'est sûr. Non, c'est Enzo. À combien? 80 64%. Ah. Ah, donc, deux tiers des gens sont pas stressés. Ah, il y a quand même 36% sont inquiets. 36% des gens Il y a 36% des gens qui sont inquiets, parce que ça fait des années que Bordeaux est c'est inquiétant. Clair. Parce que des années. Allez, Bordeaux, on va passer au transfert. Tiens, qui sera au stade là? Bon, il y en a rien, Thomas. Ah, bah, tout le monde sera au stade. Yes. Parfait. Et okay. J'aurai l'honneur d'être interviewé par Culture Gironda. Qui après interviewera peut-être. Allons, mon. Mais toi aussi. T'as calé sur Twitter, bordel, tu me fais chier. Mais après, il y aura. On représente l'émission. Il y aura même peut-être Enzo qui sera encore interviewé après, voilà. Représente pas l'émission, Adrien. Pitié, ne laisse pas. C'est très bien, sur fais de la pub pour l'émission. Et bien, Marc, tu vois. Si, il écoute pas. Fais de la pub. Je l'emmerde. Et ça donne du cœur en plus. Non, mais t'as raison, c'est bien, mon petit. Non, mais c'est sympa. Des petits. Ça se trouve, j'ai des petits jeunes qui se lancent et il est plus. C'est bien, t'as raison, c'est bien. Allez, rapidement pour terminer, il reste une petite dizaine de minutes pour terminer l'émission. Transfert, jingle, et on en parle. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba, Thuram. Non, moi je sais, Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Non, c'est pas du tennis. Et d'ailleurs, le tennis, en ce moment, il y a un gros enjeu autour de la Coupe Davis. Ça va être voté la réforme. Garros, ils sont la réforme ou pas aussi, de la Coupe Davis qui va se transformer en Coupe du Monde presque du tennis en une semaine dans un pays neutre. Voilà, sous l'impulsion de Gérard Piqué. De Gérard Piqué, le footballeur Gérard Piqué. Oui, vu qu'il est aussi un businessman. D'accord, ok. Il a été défini comme ça. Pourquoi pas, hein, si... Avec Shakira. Avec Shakira. Écoute, si ça nous permet de la gagner plus souvent qu'une fois tous les 10 ans, écoute, allons-y. Alors, messieurs, les dernières rumeurs du jour. Alors, on va commencer, Adrien, par celle que tu m'as sortie là, il y a une petite vingtaine de minutes, qui est la plus fraîche, on va dire. C'est. Vas-y, alors je te laisse l'annoncer. C'est RMC Sport qui annonce Gaëtan Laborde. Qui serait peut-être en destination de Montpellier. En prêt. Montpellier. En prêt, bien sûr. Alors. Donc, ça ajoute ça vient de RMC, donc je pense après, que c'est quand même plutôt crédible. Après chaque match qu'il fait, bon match qu'il fait, oui, son agent, il doit faire le tour de la France. On a essayé, c'est un truc plutôt, de fou. C'est un malin, on a essayé de voir avec son agent s'il y avait des avancées sur le dossier. On a eu au téléphone, c'était avant qu'il revienne. Oui, on l'a d'ailleurs contacté pour essayer de voir si on pouvait l'avoir au téléphone. Il a dit, j'attends que le dossier avance. Attends, faire mon tour de France en voiture. Non, mais Laborde, même si c'est des noms qui sont jetés comme ça, on a vu un supporter Strasbourg qui disait que Laborde, oui, c'est un joueur dont ils auraient moi, besoin. Moi, j'aurais plus vu à Strasbourg qu'à Strasbourg. Mais bon, ouais. Et il y a peut-être Angers aussi derrière. Non. Ouais, Thomas. Mais ne pas oublier que Montpellier, là, avec Sio, normalement, ils veulent Sio de l'or partir aussi. Avec le problème qu'il y a eu avec le coach, là, Michel Derzakarian, samedi soir. Sio n'a pas voulu serrer la main à Michel Derzakarian. Suite au remplacement, parce qu'il voulait rester sur le terrain. Il m'a sorti, je suis pas content. Du coup, il veut partir. Ça n'a pas plu aux dirigeants, et normalement, Sio va quitter le club, normalement. D'accord. Si à chaque fois qu'il y a un joueur qui te serre pas la main parce qu'il est pas content de sortir, c'est dans la merde. Excuse-moi, mais dans les deux sens, je joue pas. Mais les mecs, attends, alors t'es un compétiteur, des fois, enfin, quelqu'un peut regarder si Giovanni Sio il est pas en fin de contrat là, parce que tu vois. Après, ce que je veux dire, c'est que combien d'entre nous n'ont pas déjà eu qui ont joué au foot sont sortis. Qui était agacé parce qu'il voulait rester sur moi, la pelouse. Moi jamais vu que je commence sur le banc. Quand t'es compétiteur, t'as pas envie de sortir, surtout qu'il y a des matchs où tu sens que tu peux marquer ou autre, et on te sort. Ça fait jamais plaisir. Des fois, il faut arriver à savoir gérer l'agacement d'un sportif. On est cinq qui trouvent que ce serait une bonne solution, une bonne chose pour Gaëtan Laborde d'en prêter à Montpellier pendant un an. Bah s'il joue, Je préfère Strasbourg. À main levée. Non mais là, s'il joue, parle de Montpellier. Prêté, partout en France, en Ligue 1, Montpellier vote, aussi. Il bluffe. Il bluffe Martoni. Martino. Il a posé tapis sur la table. Non, Martoni. Martoni. Martino Lagarde, c'est ça. Ça mélange de marque et de Tino. Montpellier. Non, juste lève le bras, t'es content, t'es pas content. Ben, je suis pas content. Enfin, c'est pas, je suis pas content. Pourquoi après? Ça nous rime à quoi de le récupérer l'année prochaine? Si t'en veux plus, tu le vends. Avec peut-être une option d'achat. Avec toujours peut-être le foie d'espoir de dire il va encore faire. Parce qu'au final, Gaëtan Laborde n'a jamais fait une saison complète en Ligue 1. Oui, mais je sais bien. Mais si, arrivé à un moment, quand tu ne comptes pas sur un joueur, je préférais qu'on le vende à pas prix avec un gros pourcentage à remonter. Un petit peu comme on avait fait avec ça là. À un moment, ça sert à rien. Tu vas te traîner encore la moitié d'un salaire. Et s'il explose après à Montpellier, tu dis il y a peut-être une option d'achat. Et pour moi, entre lui et Depréville, c'est plutôt Depréville que j'aimerais voir partir. Prochaine. Plutôt, donc ça c'était le tout récent, plutôt dans la journée et même je crois hier pour le 13, c'était quand le 13? Le 13 c'était non, même aujourd'hui. Mais hier on en a parlé, on en a eu rumeur avec Marc pendant le match. Selon les informations du Nord, alors bon, désolé pour l'anglais, du Northern, bon, l'écho du Nord quoi, ouais. Northern Echo, la voix du Nord, confirmé par Adrien Mathieu, journaliste pour goal.com, qui avait notamment sorti les rumeurs Basic, enfin il avait eu bon sur les trois derniers trucs là. Le milieu de terrain anglais Lee, alors ça s'invente pas, Cattermole, un prêt avec option d'achat serait à l'étude. C'est Joey Barton version 2.0. Alors voilà, c'est un joueur âgé de 30 ans. Il a déjà travaillé avec Poyet quand il était à Sunderland, ouais, compris, de 2013 à 2015, pendant 2 ans en première ligue. Il est arrivé de Wigan en 2009. Il est milieu défensif, comme tu dis, hein, c'est un peu le. Ah, mais en Angleterre, la rumeur qu'il emmène à Bordeaux étonne tout le monde. Il a quand même une expérience de ouf, c'est quand même 200, plus de 200 matchs en première ligue, donc ça t'amène quand même une certaine expérience, sachant que les enfants, la première ligue, Dieu sait que j'aime pas ce championnat. Je trouve qu'il est surcoté, mais quand tu joues... Il est en D2, le mec. Même Sunderland descend en D3, je crois, même. Donc, Non, mais enfin, quand même... D2, il n'est pas en première ligue, le mec. Hein. Oui, mais ça fait qu'une saison. De 2013 à 2015, il était en première ligue avec Sunderland. Donc, je te dis... 2015-2018, tu as 3 ans. Donc, mais il n'y a qu'une saison l'an dernier où il joue en D2. Oui, mais ils font le yo-yo tous les ans. Ouais, mais moi, ça me pose un problème... que Bordeaux s'intéresse à un mec en D2 anglaise. Surtout. Non, parce qu'un mec de D2 anglaise a le niveau de la Ligue 1. Non, sans problème. Ce qui pose interrogation surtout, c'est le poste, caractéristique du gars qui apparemment c'est Joey Barton quoi. C'est vraiment l'équivalent. Mais est-ce qu'il manque pas ça un peu dans cette équipe aussi pour les remuer tous un petit peu là, parce que Bice sait faire ça mais il joue pas. Au milieu de terrain, je suis désolé. On a souvent parlé, Thomas, tiens, toi qui es jeune et qui un peu, je sais pas ce que t'en penses, mais t'es jeune, mais j'ai pas le rapport avec ce que je vais dire. Mais... Parce qu'un jeune de 15 ans d'aujourd'hui, je pense qu'il voit pas le football comme Cyril ou moi qui avons 20 ans de plus, on pourrait le voir. C'est ça que je veux dire. C'est pas dans le sens, voilà. Parce que je me dis, Thomas, il a 15 ans aujourd'hui, peut-être il est plus comme tous les jeunes, ou 16 ans, pardon, excuse-moi, oui, de 16 ans, peut-être, tu vois ce que je veux dire, dans les mecs, un peu, tu vois, le beau jeu, le machin, les gestes, les machins, les trucs, alors que moi et Cyril, on est encore peut-être sur des idées un peu... Des gros tacles, des alors, c'est des mecs des années 90 qui rentrent un peu dedans. Est-ce que toi, d'avoir un profil comme ça, alors on parlait de Joey Barton, je sais pas si tu vois qui c'est, voilà, ouais, t'as peut-être une idée, tu vois, un mec un peu, voilà, qui a joué à Marseille, d'un mec qui on n'a pas ça dans cette équipe, il y a un gars qui peut mettre un peu le pied. Anglais. Pourquoi pas, non, mais je parle à Bordeaux, on n'a pas après ça. Ah, attends, là, tu le diras, mais après. Pourquoi pas, mais moi je vois pas à quoi ça sert d'accumuler des 6. On a déjà Plasil, on a recruté Basic, ça sert à rien après d'en avoir. On a les Ragger, 36 000. Le Ragger, c'est bien mettre le pied. Le Ragger, c'est un Danois, il est. On connaît les Danois, hein. On sait qu'il peut mettre le pied. Basic, on sait pas, mais bon, les Croates, c'est pareil, ça s'est arrêté. Après, moi, je vois pas pourquoi on irait. C'est vrai que ça peut l'URSS, sa forme. Tu dis qu'on n'a pas de joueurs au milieu qui mettent le pied. Mais pour moi, je trouve qu'on manque quand de joueurs. Quand je dis mettre le pied, pas mettre le pied dans le sens. Dans le sens. Non, mais pas bon, désolé. Quoi, tu vois. Dans le sens que, on est mené 1-0. Je suis pas spécialement d'accord. Pas tu les as. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce milieu, tu manques réellement de créateurs. Tu vas pas me chercher un 6. Ou alors, le mec, il vient pour jouer remplaçant du remplaçant. Ouais, enfin, ça sert à quoi? À 30 ans, je pense je sais pas si ce sera trop d'accord. Mais non, mais bref, à quoi ça sert? Mais non, mais il va être derrière dans ton groupe, il est derrière. Donc je sais pas, Je sais pas, ça c'est qu'une rumeur. Hein, rumeur. Il y a l'autre rumeur du alors, de l'arrière latéral droit. Voilà, il reste deux derniers points avant de terminer l'émission. Rapidement. Sergi Palencia, mouvement rapidement conclu. C'est ce qu'on se demande sur Girondin 33. Évidemment, toutes les infos que je vous donne, vous pouvez les retrouver sur girondin33.com. Évidemment, notre site ami et partenaire, je sais pas comment on dit. Partenaire. Nos poteaux. Particulier. Donc, Sergi Palencia, défenseur de 22 ans, qui arrive directement du centre de formation du FC Barcelone. Il intéresse très fortement la direction du FCGB. C'est Diabaté 33 qui a sorti l'information. Bordeaux souhaiterait un prêt avec option d'achat. Le latéral droit est capitaine de la Masia, mine de rien. Barcelone B qui joue en D2. Bah, quand t'es quand même capitaine de la réserve, oui, du plus grand club du monde. C'est la D2 espagnole. La D2 espagnole, Barcelone. C'est quand même pas dégueulasse. Décrit par le gérant du compte Twitter Girondin Info comme étant un latéral moderne, excellent, contre-attaquant et combatif. Annoncé comme le futur latéral droit de l'équipe première, donc pourrait renforcer la défense marine et blanche et même concurrencer Sabali et Gaïc. L'autre info qu'on peut lire sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui ont aussi relayé l'info, c'est que ce joueur, un autre latéral espagnol. Non, c'est que ce joueur-là est quand même très tendre et qu'il part pas du tout dans l'optique d'être titulaire. Donc un arrière droit supplémentaire. Mais tu fais jouer Sabali à gauche. Qui doit partir. Alors moi je vais vous dire une chose, les enfants, je vous dirai pas. Je vous le dirai hors antenne parce que y a pas, c'est pas encore fait. De ce qu'on a pu me dire, Gustavo Poyet n'aurait rien contre le fait que Youssouf Sabali passe de droite à gauche. Bah, il a fait la Coupe du Monde à gauche. Voilà. Déjà, je vous le dis comme personne. Est-ce qui expliquerait peut-être Sabali, faut qu'il joue. Est-ce qui expliquerait peut-être aussi qu'on ne recrute pas de latéral gauche? Moi, un mec qui n'est pas capable de se centrer du pied gauche, qui joue à gauche. Tu parlais tout à l'heure de des mecs qui n'ont pas de qualité de centre. Tu me mets un mec qui, à chaque fois qu'il va devoir centrer, va devoir faire un crochet. Mais Sabali, c'est centré du pied gauche. Ah, ben non. Si, t'as pas vu la Coupe du Monde qu'il a faite. J'ai vu suffisamment de matchs à Bordeaux. J'ai vu suffisamment de matchs à Bordeaux avec Sabali à gauche pour vous dire que je sens. On a très très mauvaise idée. La droite s'améliorer. Hein. Parce que quand tu as une Coupe du Monde où il y avait plus d'espace que ce qu'il peut y avoir en Ligue 1, le mec, on sait que dès qu'il va arriver, il va faire un crochet pour centrer du droit. Et que tout à l'heure, vous avez fait un débat en disant qu'on n'avait pas de joueur capable de faire un bon centre dans ce 4-3-3. Et vous voulez me foutre... Non. La vraie raison, c'est que tu sors Gagic qui n'a pas réussi à s'imposer à Bordeaux et tu mets un remplaçant à Sabali. Et à gauche, tu enlèves soit Pungé, soit Pelnard et tu vas recruter un défenseur gauche de qualité. Et comme ça, tu as et un arrière-droit de qualité et un arrière-gauche de qualité et peut-être un jeune pour monter parce que sinon, j'en vois aucunement l'intérêt. Et je suis même pas sûr que Gagic... Parce que Gagic, on le condamne déjà parce que on a décidé qu'on condamnerait... Que s'il ne s'est pas imposé, c'est parce qu'il n'est pas bon. Non, c'est parce qu'il y a Sabali devant, sûrement. Que les matchs qu'il a fait, même à gauche, alors il a pété extraordinaire contre Strasbourg, mais il a fait un match correct. Je pense que c'est un joueur qui est capable, s'il y a Sabali à gauche, de jouer à droite si la recrue ne donne bien pas satisfaction. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter. Ah oui, alors Thomas, vu que c'est ta première, tu vas devoir chanter une... Non, je déconne. les phrases de fin en fin d'émission. Alors si t'as rien à dire, c'est pas grave. Chacun a une petite phrase. Alors tu vas voir, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tu verras bien. On fait le tour. Si tu veux, dire n'importe quoi, passer le bonjour à ta chérie, à tes parents, à, je sais pas, à qui tu veux, à tes copains, faire n'importe quoi, dire un truc. Adrien. En route pour Bakou. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à Bakou? Et Bakou, la finale de l'UEFA. Quel homme. Rémi. Ouais, liberté pour Paul Bayes. Marquinhos. J'aurais un truc à faire quand même à la fin parce que ça termine un peu vite. Oui. Les cons, ça osse tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ah. Et c'est pas une dédicace. On en parlera dehors. Auprès des supporters. Ça n'a rien à voir avec mon coup de gueule. C'est interne à nous-mêmes. C'est interne à nous-mêmes. Mais. Enfin, mais, à nous-mêmes, pas à l'équipe de GIA, mais. Elle est pour toi, celle-là. Les cons, ça osse tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ah oui, ça, c'est vrai qu'il y en a qui ont des joues quand même, on va pas se mentir. Il y en a qui ont des joues. Vas-y, improvise. Ce que tu veux, si t'as rien à dire, j'attends de voir la suite, et puis en espérant que Bordeaux gagne contre Toulouse lundi, puis voilà. En tout cas, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé du petit là, mais franchement, t'as été très bon. Alors, honnêtement, on va pas te mentir, ce soir c'était un peu compliqué parce que on était un peu énervés, défaite, machin, entre Dexter, Marc, Adrien, moi, Rémi, c'était un peu tout le monde. T'inquiète, les émissions, on est trois, c'est beaucoup plus calme. Après Mario mais, Paul déjà, vendredi. Non, mais franchement, moi je trouve que t'as été très bien, Thomas. Et pour conclure, on vous rappelle que Girona Analyse a lancé son concours de pronostics, oui, donc pronoentreamis.fr avec prono avec un S et amis aussi. Vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut sur Girona 33 et sur le compte Twitter et Facebook de Girona Analyse, puisqu'il vous faut un petit code pour rejoindre la ligue. Une ligue sur laquelle on est déjà plus d'une centaine, donc je vous invite à revenir. Alors vous êtes en retard d'une journée, mais en soi, rien de très grave. C'est pas méchant. On va tous féliciter Cyril qui est premier et je vous jure, on n'a pas triché. Il a mis quoi? Défaite de. Ben il a. Non, non, mais il a 28 défaite points. Défaite de Bordeaux, victoire 4-3. On a notre cher Enzo qui est quatrième, quand même. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que dans le top 10, j'ai deux collègues. Et je suis loin derrière. J'ai oublié, j'ai pas fait l'autre jour, faut que je le fasse. Bienvenue au club, ça. Donc, il y a SoFoot qui a fait une ligue aussi qui est pas mal, une petite appli, là. Voilà. Et allez sur, c'est quoi, sur G33, page Facebook, Twitter et. Sur Twitter, on l'a relayé. On va le relayer, on le relira, de toute façon, avant chaque jeudi. Pour que vous pensiez à faire votre prono. Moi, la question que je me pose, c'est Adrien, à quelle place es-tu? Je suis 41e. C'est-à-dire, le mec est devant moi, donc on va finir là-dessus. Vous savez que ce qui me fait gagner quand même 3 points, j'ai remarqué dans le classement, c'est avoir foi en Johan Gourcuff en disant bon, mais il joue à Dijon, il va gagner contre à 90e en plus. Et bien, Johan Gourcuff rentre à 90e, il fait rien, certes. Mais sur le terrain, Dijon marque à ce moment-là. Bon, c'est le mec qui va être titulaire à Dijon. Joué Roger. Mais on va finir quand même. Oui, mais si vous voulez passer une belle fin de soirée, allez voir le but de Claire Lavaugesse pour le. Oui, les filles qui ont gagné leur premier match amical. L'équipe des Girondines, voilà. Chez les filles. Il est aussi beau qu'elle est charmante. C'est aussi simple que ça. Tu l'as là sur la vidéo là. Je l'ai pas sorti, mais une belle bicyclette dans la surface. Une papinade. On aurait aimé l'avoir en interview. Voilà. On l'aura pas. Mais nous écoute. On va vous dire la vérité, hein. Son frère, il nous a jamais rappelé. Soyons honnêtes avec La vérité, c'est qu'on l'a relancé plusieurs fois. Ils ont fait OK. Alors, on sait pas si c'est le club qui a mis son veto et tout ça, mais. Mais on le renonce pas. On est comme ça. Non, on. Tiens, trio. On a coursé trio pendant 9 ans. Bon, là, on a coursé. Est-ce qu'on l'a jamais vu? Il faudrait le relancer, parce que peut-être qu'il nous a oublié. Allez, messieurs, pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci aux gens du chat qui étaient présents ce soir. Il y avait toute la tribu de Rémi, des Marinés Blancs, Franche-Comté, qui se sont franchement bien fait marrer. Ça. Il y avait plein de gens aussi, Bordelais, j'ai vu. Enfin, il y avait plein de gens. Dexter, évidemment, au téléphone, merci. Merci Adrien, merci Rémi, merci Marc, merci beaucoup Thomas aussi d'avoir participé. T'as été bon, mon petit bonhomme. Merci. Donc, écoute, si tu veux revenir un lundi ou un vendredi, y a pas de souci, tu nous contactes, et puis y a pas de problème. T'es le bienvenu. Merci à toi, et puis bonne chance dans ta quête de venir. Puis s'il veut des contacts, on a des contacts. Ah, mais t'as de la chance, t'es dans la ville, il y a une école de journalisme, t'as de la chance, ça. Bordeaux, il y a une grosse école, donc avec un peu de chance, va savoir. Faut se mettre bien avec le petit là, parce que si t'as quel âge? Disons, si dans 10 piges, ou dans 5 piges, ramène ta carte de presse là. S'il finit à J+1 ou quoi, faut se mettre bien. Ouais. D'ailleurs, J+1, dans 10 ans, Seb, dans 10 ans, peut-être qu'il restera Adrien. Quand t'as commencé il y a 10 ans l'émission, tu pensais que tu serais encore là dans 10 ans? Moi, ça fait que 4-5 ans que je suis là. Ans, j'aurais 49 ans quand même. Merde. Mais tu seras là. 32 ans. Moi, j'aurais 45, connard. Ça se trouve, on sera sur notre radio, on sera tous salariés à dire n'importe quoi, comme tu vas à l'AMC. Ouais. C'est qui? C'est Traoré, je pense que c'est le pire con. Ouais, Samy Traoré, Il y a Ifoua qui est pas mal. C'est quartier, quoi, Samy Traoré, c'est le ghetto. Allez, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve donc vendredi 20h, 21h30, je vais y arriver. En direct pour parler de Mariupol, pour parler de l'avant-match de Toulouse. Et puis voilà, si d'ici là il y a des petites rumeurs mercredi, il y a la Super Coupe d'Europe. Voilà, si vous voulez voir du football. C'est qui contre qui donc? Madrid. C'est Madrid contre Madrid. Oh, c'est pas mal ça. Et du coup, comme c'est un gros match, sympa, apparemment ça. Ils l'ont mis dans un stade de 10 000 places. Ça peut, pour être sûr de tout vendre. Ça peut être sympa ça. Ça pour être sûr qu'il est rempli. Merci. Donc on se retrouve vendredi 20h 21h30 sur RIG en 90.7 FM RIGFM.fr. D'ici là, on vous souhaite une bonne lundi, une bonne soirée, une bonne semaine. à jeudi pour le match 20h45 et allez Bordeaux.